Amen. Demandons au Seigneur qu'il nous donne d'être parfaits en amour, que nous n'aimions pas avec hypocrisie, que notre amour soit vrai, sincère et parfait comme lui veut. Prions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen. Lève-toi donc et salue quelqu'un en lui disant justement « Je t'aime » sans hypocrisie. Vérifiez que vous regardez la personne dans les yeux. Dis à la personne « Je t'aime » sans hypocrisie en le regardant dans les yeux droits. N'esquivez pas, vous esquivez, vous suivez. Tu salues la personne, tu le regardes dans les yeux. Tu es sûr? Et attends seulement. Hein? Sans hypocrisie. Tu ne dis pas que j'exagère. Allez saluer, allez saluer. Vraiment. Vrai, vrai. Amen. Amen. Sans hypocrisie. Tu ne dis pas que j'exagère quand il prêche. Tu es sûr? Ok. Pas de j'entends. Je t'aime. Sans hypocrisie. Je t'aime seulement ou bien c'est sans hypocrisie. Je t'aime sans hypocrisie. Vrai, vrai. Joie ici. Que Dieu te bénisse. Sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Tu ne dis pas que j'exagère. Que je dérange. Tu ne dis pas que je prêche, j'exagère. Sans hypocrisie. Donc même si je prêche, Dieu n'importe comment, sans hypocrisie. Grand-mère, regardez le chocolat. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, bienvenue. Je t'aime sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Tu ne dis pas que le frère Julien exagère. Tu ne dis pas qu'il dérange. Tu ne dis pas ça. Ça va, mon bien, mais c'est. Ah non, je sais que tu m'aimes, d'accord. Bientôt le rendez-vous. Tu n'as jamais dit dans ton cœur que le gars a exagéré, mais il faut le saucisson. Sans. Je peux demander à papa Tani. Papa Tani, ta femme même sans hypocrisie. Tu n'es pas dans son cœur. Tu doux. C'est toi qui as déclaré, c'est toi qui fais. Sans. Pourquoi vous avez du mal à mettre sans hypocrisie dedans? Parce que c'est sans hypocrisie déjà. Ok. Vraiment, là, tu m'aimes sans hypocrisie. Attendez, bonne vie. Ma soeur, tu m'aimes sans hypocrisie. Réponds. La façon qu'elle regarde comme ça, c'est. Elle n'est pas venue me saluer. Je du cœur. Ma soeur, je t'aime sans hypocrisie. Encore plus fort, même encore pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons besoin d'un réveil. Nous avons besoin d'un réveil. Nous avons besoin d'un réveil et le réveil arrive. Nous avons besoin d'un réveil et le réveil arrive. Mais le problème, c'est que ce n'est pas pour tout le monde. Est-ce que ma vraie va s'asseoir aujourd'hui maintenant? Nous avons besoin d'un réveil. Je crois que ce n'est pas bon que vous vous asseyez comme ça, vous vous êtes serré. Parce que quand vous priez, et puis. Il y a des places ici, je ne sais pas comment le garçon. Voilà. Toi, viens, viens t'asseoir. Ou bien. Ok, oui, c'est bon. Parce que là derrière, c'est serré là. Essayez de vous espacer comme il y a. C'est bon. Tu vois, frère Arnaud, regarde comment tu es serré celui-ci. Si tu t'assois là, voilà. Tu vois que c'est ouvert. Toi aussi, tu rentres un peu comme ça. Viens, toi, tu t'assois là comme ça. Vous êtes ouvert, n'est-ce pas? Voilà. C'est bon, pas vrai? Comment vous allez? Les femmes sont contentes parce que c'est le dernier jour aujourd'hui. Le rythme que nous avons pris avec le Seigneur et devant le Seigneur, ce n'est pas pour régresser. Souvenez-vous de cette parole du Seigneur, quiconque met la main à la charrue et regarde derrière n'est pas fait pour le royaume. Donc on n'est pas de ceux qui, comme l'apôtre Paul dit dans ses Hébreux chapitre 10, verset 35 et 36, que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour. Voilà, donc nous avançons seulement. Nous avançons seulement. Mais souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 6, verset 68 et suivant là. Quand il a dit, si quelqu'un démarche ma chair, d'autres sont partis. Il a demandé aux autres 10 là, vous êtes serrés aussi là-bas, qu'une personne quitte. Une personne vient s'asseoir ici. Il leur a demandé, vous êtes, vous les 12, et vous, si vous ne partez pas, comme pour dire qu'il ne prie pas quelqu'un. Mais aujourd'hui, on est devenu suppliant et supplicatif. Pour l'évangile. Chez nous, nous disons aux gens qui sont à côté de nous, que s'il te plaît, viens, on va à l'église. Allons à cette campagne. Allons à la campagne de l'église. Allons à l'église. On supplie les gens comme si Dieu supplie les gens pour les sauver. Il ne supplie pas. Il a accompli un acte ultime à la croix. Et il s'est assis à la droite de la majesté divine. La Bible déclare donc dans ce livre de Apocalypse chapitre 22, il a dit que celui qui est pur, que celui qui est saint, c'est saint, sanctifié, et que celui qui est injuste, fait encore quoi? Donc continue seulement. Donc on a besoin d'un réveil. Mais le réveil, ce n'est pas pour tout le monde. Le réveil, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, comme dans ces gens, chapitre 6, comme il disait là, malgré qu'il a dit, que, et vous, si vous ne partez pas, l'autre a dit que non, nous sommes là. Nous sommes de ceux qui peuvent garder notre foi pour être sauvés. Il y avait un intrus encore parmi. Il y a un intrus parmi. Il y a une épreuve pour le séparer. Un étranger ne peut pas se joindre au corps du Seigneur. Un étranger ne peut pas se joindre au corps du Seigneur Jésus. Et si un étranger s'est joint, c'est le cancer. C'est ce style de branche-là qu'il dit dans ces gens, chapitre 15-là, qu'il peut être en lui. C'est un serment. Il suce un peu de sa veine. Je vous ai toujours. Vous qui êtes déjà allé au champ, pour ceux qui connaissent le champ, si vous prenez les gens qui ont vécu dans le café, ils peuvent comprendre ce que je viens de dire. Ceux qui ont cultivé le café au champ peuvent savoir de quoi ils sont. Il y a souvent une plante qui pousse sur le caféier. Je ne sais pas comment vous appelez cela. Comment? Le gourmand. Voilà, c'est merci beaucoup. Quand ça pousse le café, vous remarquez très bien que quand c'est jeune, vous pouvez regarder les plantes, vous croyez que c'est le caféier. C'est-à-dire que ça a le même style d'effet que le caféier. Vous regardez la plante, c'est identique. Mais lorsqu'il faut se produire le fruit naturel, ça ne peut pas produire. Mais le vrai problème, c'est que ça participe à la source de la plante. Tous les éléments nutritifs que dans la racine tire, ça lui donne également. Et remarquez très bien que c'est plus vert et plus jeune. Ça a l'air toujours plus jeune que la vraie plante. C'est-à-dire quand on regarde la verdure, c'est plus raffiné que la feuille naturelle même qui est naturelle de l'arbre. Mais c'est ça qu'on appelle gourmand. Parce qu'il suce beaucoup plus, n'est-ce pas? Donc ceux qui sont à partir, prennent les choses de Jésus. Les pasteurs qui utilisent le nom de Jésus-Christ glanent beaucoup d'argent plus que les serviteurs même de Dieu. Ce sont les pasteurs gourmands. C'est le type de café là. Et remarquez donc que lorsqu'on vient pour faire le nettoyage dans le champ pour que le moment des fruits puissent produire, c'est lui qu'on cherche, on coupe ça, on jette, on coupe, on jette. Et quand on coupe, on jette, ça ne sèche pas directement. Il prend du temps. Le reste des choses qu'il avait mangées, ça suce, ça suce, ça suce. Un temps, la feuille tombe. Parce que quand vous coupez là, Les restes des nutriments sont encore dans le feu. Ça dit encore amen. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit soit sauvé. Amen. Mais le test des temps arrive. Ça va sécher. Et lorsqu'on regroupe ça dans un coin de champ, il met du feu pour que ça chasse un peu de fourmis qui vient pour déranger le café à la cueillette, n'est-ce pas? Le pasteur gourmand. Ça, c'est un bon type là, Fratani. C'est un bon type gourmand. Gourmand. Ça suce la plante. Si vous laissez ça sur la plante, la plante pourra produire parce que ça fuce. Ça suce au maximum les nutriments. Ceux qui si vous n'allez pas au champ, vous n'allez pas comprendre ce que je leur ai dit. Ils sont obligés de parler avec ce langage. Parce que c'est le langage que le Seigneur a utilisé dans Jean chapitre 15. Il dit que je suis le cep, mais mon père est le vigneron. Tout simplement, toute plante qui est en moi, c'est greffé. Et qui ne porte pas de fruits seront coupés ou jetés au feu. Ce n'est pas qu'il y a des chrétiens qui seront coupés. Non, non, non, non, non. C'est qu'il y a des gens qui viennent s'agripper sur la chose de Jésus. Si leur source là-bas. Ce sont les types que Dieu a mis dans le champ. Si vous ouvrez votre livre dans le livre de Job au chapitre 12, verset 11 et suivant, vous allez voir effectivement, il a dit que tourne tes yeux vers le ciel, tourne tes yeux vers la terre, interroge le poisson, il vous instruira. Allez vers la terre. Donc, les instructions sont tirées là-bas, comme il dit dans ses 1 Corinthiens 11, verset 14, que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Tout dans la nature, ce sont des enseignements. C'est pour ça que le Seigneur peut prendre dans les livres, les choses dans le champ. Un semeur sorti pour semer sa semence. Comme la semence sortie, quelque chose est tout fait. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est comme ça dans le champ. Donc, Dieu a semé ces choses-là, des prophéties dans le champ. Alors, toute plante qui est en moi, comment une plante peut être en lui, ne porte pas de fruits? Tout semence qui est en moi et qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Vous voyez cela? Sera coupé et jeté. C'est le type du gourmand. Selon ce pasteur qui peut utiliser le nom du Seigneur Jésus-Christ comme label pour avoir de l'argent. Mais ils seront coupés. Parce que pour quant à ceux qui sont de ses enfants, quand vous allez voir dans ce chapitre 15, verset 16, il va dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi. Vous voyez que ceux-ci sont choisis, établis, afin qu'ils aillent et qu'ils portent des fruits. Donc ceux-ci sont choisis, un, établis, deux, ils vont aller, trois, ils vont porter des fruits et les fruits vont demeurer. Mais ceux qui sont en lui, qui sont trouvés greffés là-bas, alors la question c'est, comment la plante de café, vous prenez les graines de café, pour ceux qui font dans les... Il y a des endroits où on fait la culture, d'abord on met ça dans une petite plante de terre. C'est la semence de café qu'on met là-dedans. Et cette semence de café, généralement, c'est traité. Ce n'est pas, il n'y a pas de contagion. On nettoie toutes les bactéries. Mais on met là-bas, ça pousse quand même. Ce gourmand-là sort là-bas. Dieu merci pour cela. Ça sort vraiment doux. Ça, c'est une question vraiment qu'il faut qu'on réponde. Vous prenez un grain de café, vous mettez dans la plante, dans le sol. Ça pousse. Quand ça pousse, quand c'est jeune, ça ressemble même à ce gourmand-là. Quand ça s'aventure, la plante, la tige commence à être difficile, dure. Quand vous mettez maintenant au sol, ça pousse. Le moment produit le café. Quand le fruit est proche, gourmand vient. La question c'est, ça sort d'où? Je veux que vous répondez à cette question. Et vous allez comprendre où est-ce que les amants sont pour se greffer au Seigneur. Aucun faux pasteur ne viendra jamais dire que Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Il ne viendra jamais dire que je t'ai guéri au nom de Satan. Même toi qui es malade, tu vas dire que mon ami pasteur, je ne veux pas t'acheter pas de guérison. Un pasteur vient guérir au nom de Satan, vous allez accepter. Même le marabout, c'est pour ça que le marabout est obligé de dire Dieu. Parce qu'il dit que Satan, même toi, même chez le marabout, toi tu veux quitter. Même le marabout lui-même, qui c'est Satan? S'il va dans un endroit, même les catholiques s'assoient, on dit que Satan est notre Seigneur. Il dit que non, non, pasteur, toi-même tu as exagéré. Le marabout va fuir. Pourtant, il sait Satan. Donc, on est obligé donc, de se greffer sur le nom du Seigneur Jésus-Christ pour tirer les nutriments. Pour tirer les nutriments et les choses conséquentes. Donc, malgré qu'on a rejeté Dieu de ce côté-ci, on exploite le nom de Dieu pour avoir de l'argent. C'est ça le greffage. Bonsoir. Bonsoir. Donc, nous avons besoin du réveil. Le réveil arrive. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Souvenez-vous de ces gens, chapitre 15. Toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Si ce n'est pas planté par lui, il sera déraciné. C'est une prophétie inéluctable. Alors, ce n'est pas des questions. On a dans la Bible, on voit ce que le Seigneur a pour nous ce soir. Je suis à votre service. Toutes les questions, posez-les. S'il n'y a pas de questions, si j'entre dans la Bible... Je suis en train de répondre comme ça aux questions de celui-ci. Oui, dernier enseignement. Vous voyez ce que là, je suis en train de dire, mais il y a une question que j'ai laissée en suspens. Je ne sais pas pourquoi il est en train de parler. C'est lui. La dernière fois, le dernier enseignement, quand on a fini là, il a posé une question. J'ai voulu faire n'importe quoi. Le Saint-Esprit a bloqué ma bouche. Je vais citer un passage. Le passage est devant moi. Je vais citer. J'ai essayé de citer par quatre fois. Il n'a pas pu citer ce passage. Il a dit, je t'ai demandé d'arrêter. Il était obligé de me diriger à fermer ma Bible. Et je viens là, je suis en train de lui parler du réveil. Il me fait répondre à cette question-là. Sans m'en rendre compte maintenant. Il veut dire, tu as fait une question. Il me rend compte que c'est la même question que j'ai répondu. Ah, Dieu. Bon, posez les questions. Donc, j'espère que tu as compris, n'est-ce pas? Oh, que son nom soit glorifié. Y a-t-il des questions? Oui. C'est pour la question de la dernière fois, de Luc 21. Réfléchir la mémoire de ceux, il y a les gens qui n'avaient pas été là. La question de Luc 21 là, c'est quelque chose de Luc 21 pose une question dans votre Bible. Dans votre Bible, Luc 21 pose la question. Hein? Comment il dit la question de Luc 21 là? La question de. J'avais dit que j'avais lu la partie de. Là où on disait que quand la décision sera. Quand la décision sera liée à courage, sera enclenchée, les femmes, malheureuses femmes qui seront en train d'allaiter. Tu avais répondu, tu avais dit que c'est parce qu'elle devait s'en comprendre, les enfants aussi. Bon, je n'avais pas compris. Je voulais savoir pourquoi Jérusalem avait été. Pourquoi il avait proclamé la décision de Jérusalem. Allons donc là-bas voir donc. Rapidement, si vous avez des questions proposées, comme ça qu'on va finir là-bas, on arrive, on va ce soir, Luc chapitre 21. Cela me montre que l'enseignement qu'on a fait sur l'enlèvement de l'église ou la grande tribulation, tu n'as pas suivi cela. Parce que tu avais suivi tout ceci et broussé là-dedans, c'est 9 heures de temps d'enseignement. Donc, enfin, on a fait ça en deux parties, 5 heures de temps et 4 heures de temps. Tout y est, et je vais seulement rebrosser et te renvoyer là-dedans. Lisons au chapitre 21 dans le Luc. Chapitre 21. On va prendre la partie verset 20, n'est-ce pas? Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. C'est merveilleux seulement. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Vous y êtes. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse soulignée dans le pays. Vous avez vu? Vous qui avez Android, Bible Android, là, maintenant, c'est comment vous allez faire. Maintenant, car il y aura une grande détresse dans le pays. D'accord? Et des colères contre ce peuple. Soulignez ce peuple. Quand le Seigneur parle, il faut bien. Quand le Seigneur parle, il faut bien mesurer et comprendre ce que lui l'André dit. Le Seigneur ne bégaye pas. Alors maintenant, vous remarquez bien qu'il ne dit pas que la détresse sera très grande contre le monde. Il dit contre ce pays. Contre ce peuple. Dans la ville, là, comment ça peut dire, dans la ville de Jérusalem. L'issue du secours, c'est que vous fuyez en Judée. Vous voyez? Il dit que quand la détresse sera grande contre ce pays et contre ce peuple. Par la suite, là-bas, le verset précédent dit que pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Si c'est écrit, c'est forcément pour Jérusalem, parce qu'en réalité, c'est eux qui ont l'authenticité de l'écriture. C'est eux qui ont la marque de l'écriture. Le monde n'a pas l'écriture. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, parce que quand le Seigneur Jésus-Christ a dit, il dit que. C'est pour la compréhension de tout ce qui est écrit. Donc, à l'instant où le Seigneur est en train de parler, c'est écrit. Donc, ce sont les choses qui sont écrites dans l'ancienne alliance concernant ce que le rejet du Messie va apporter comme rétribution pour la condamnation. C'est ça, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus dit que contre, c'est, sera l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit, pas sera écrit. Les Écritures du Nouveau Testament ont été écrites longtemps après la mort du Seigneur Jésus. Par la suite, après la mort du Seigneur Jésus. Mais là, le Seigneur Jésus étant présent, André dit que les vengeances qui vont venir, c'est par rapport à ce qui est écrit. Vous me suivez? Si vous allez lire Deutéronome chapitre 31 et chapitre 28, 29, 30, 31, vous allez voir le cantique de Moïse, lorsqu'ils vont pécher, comment ils vont aller, Dieu, comment les imprécations qui vont venir. Si vous lisez dans le chapitre 9, quand Daniel a pris la parole dans la désolation, dans le jeûne pour intercéder pour le peuple, il va dire que nous n'avons pas obéi, observé aux lois et aux préceptes que tu as donné à ton serviteur Moïse. Et aussi, toutes les malédictions qui étaient écrites dans la loi et les imprécations se sont répandues sur nous. Et nous sommes honte à nous et de façon à nous, comme nous voyons aujourd'hui. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qui était écrit. C'était prévu que si vous ne respectez pas telle chose, voici ce qui va arriver. Donc, dans les prophètes Esaïe, Osée, Nahum, Abdias, Sophonie, Habakkuk, tout cela, c'est écrit, il y a des calamités qui sont venues. C'est pour ça que vous allez voir dans la prophétie, vous allez voir le paradoxe, comme Dieu, à un moment donné, comme si Dieu rejette Israël. À un moment donné, vous voyez effectivement que l'appel est Israël. Dieu se tourne vers Israël, vous allez toujours voir comment il punit Jérusalem. Après, il part de racheter. Il punit maintenant, je te rachète comme une épouse délaissée. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, mais il faut un châtiment d'abord. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont verser le sang du Seigneur Jésus-Christ, on va demander clairement que vous acceptez qu'on verse son sang, ou bien on verse le sang d'un bandit. Ils vont dire clairement que son sang retombe sur eux et sur leurs enfants. C'est terrible comme malédiction. Il dit c'est l'une des malédictions terribles des peuples juifs ici. Donc en réalité, il s'agit des juifs ici. Ça, c'est, on va expliquer dans ce qu'il en est. Continuons ici. Verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Soulignez épée. Vous y êtes. Vous êtes remarqué, n'est-ce pas? Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem. Vous voyez? Donc, vous voyez que c'est un peuple bien. Si la prophétie concernait toutes les nations, on ne peut pas dire qu'ils seront amenés captifs dans toutes les nations. Toutes les nations sont derrière divinées et les peuples y sont. Donc, c'est un peu particulièrement qu'on dit qu'on va les amener captifs parmi toutes les nations. Donc, la prophétie est localisée. Vraiment géolocalisée. La prophétie est géolocalisée. C'est un lieu bien précis. C'est Israël, Jérusalem plus particulièrement. Et lorsque la rétrocession va arriver, on va les amener captifs. Remarquez bien. On dit qu'ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Je vous ai demandé de souligner l'épée parce que la prophétie dit que lorsque ça va arriver, c'est le moment où l'arme qu'on combat qui est le plus grand, c'est l'épée. Vous voyez? Donc ça peut être l'arme. Parce que quand, pour l'autre, encore, il y a un deuxième investissement. Envahissement qu'on va envahir Jérusalem. Donc on parle de la guerre nucléaire. C'est écrit là-bas. La terminologie utilisée, qui est utilisée par rapport à la bombe nucléaire qui va être utilisée là-bas avec les chevaux et les chars qui vont traverser, c'est différent. Ici, on parle de l'épée. Parce qu'à l'instant où Jérusalem est frappé, c'est l'épée qu'on utilise comme arme. Vous voyez? C'est l'épée qu'on utilise comme arme. Mais pourtant, lorsqu'il s'agit, par exemple, de la guerre nucléaire, c'est autre langage qu'on utilise dans ces livres de Zacharie, chapitre 14. C'est, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de la bombe bactériologique qu'on va utiliser contre Jérusalem, quand ils vont venir, ils vont frapper, lancer les bombes bactériologiques là-bas. Ce n'est pas l'épée. Donc, c'est une autre période. Donc, dans cette période-ci, les armées qui vont venir ont plutôt le couteau, si vous voulez. C'est ce qu'on a dit. Il dit, ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Donc, c'est l'épée qu'on va utiliser pour les couper. Vous voyez? Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et, maintenant, écoutez très bien. Et Jérusalem sera foulée au pied. Vous voyez, il s'agissait très bien de Jérusalem qu'on doit investir. Et Jérusalem sera foulée au pied par les nations. C'est merveilleux seulement. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Voici ce qui me donne la chair de poule dans la Bible. Voici ce qui me donne la chair de poule dans la Bible. Donc, vous voyez que Dieu a renfermé tout dans un plan parfait que lui a tracé. Il dit que ceci va commencer. Il donne les mauvaises choses qui vont arriver sur Jérusalem. Et il dit que c'est destiné pour une période. Et Jésus nous dit ici que Jérusalem sera foulée au pied par les nations. Donc, les nations peuvent aller faire n'importe comment. Ils vont diviser son pays. Comme dans le conseil des nations, on fait le vote, on divise Gaza, Est, Gaza, Sud, Jérusalem, Est, Jérusalem, Sud. Ils disent, Dieu ne veut pas. La Bible déclare dans le livre de Zacharie que Dieu va frapper toutes les nations qui auront participé à la division de son pays. Vous pouvez avoir raison en disant que c'est les Arabes qui ont été là-bas d'abord. Publiquement, enfin, historiquement parlant, vous prouvez par A plus B. Mais Dieu a dit que Jérusalem, c'est son lieu de résidence. Toute personne, et enfin, toutes les gens qui sont levés aux nations, pour lever la main, le vote contre le pays d'Israël, ils ont vu ce qui leur est arrivé. Regardez ce qui est arrivé aux Haïti jusqu'à aujourd'hui à cause de cela. Regardez par contre la Suisse. Regardez comment Dieu protège la Suisse à cause de ce qu'ils ont fait aux Juifs. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne ne se lèvera pas. Ils vont se lever deux étoiles. Elle et la France, ils vont chuter. Exactement comme cette étoile absente-là. Regardez, toutes les nations qui sont levées contre les Juifs ont disparu comme civilisation. Toutes les nations, sans exception. Toutes les puissances qui sont levées contre Israël. C'est ça qui soutient encore les États-Unis. Mais c'est prévu qu'ils rompent leur alliance avec les Juifs. Quand ils vont rompre leur alliance, ce sera la décadence. Ce sera la chute. Quand ils vont rompre l'alliance avec les juifs qu'ils ont là maintenant, les gens peuvent dire que c'est le sionisme, il y a le complot illuminati avec le truc sionisme. C'est dans l'ordre des choses que le Seigneur permet comme ça. Le moment arrive où ils vont rompre l'alliance avec Israël. C'est prévu ici dans les Saintes Écritures. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dis à ton voisin si tu veux le vrai journal. Ce n'est pas France 24, pas Hero News, pas National Geography, encore moins CNN. N'en parlons pas des calendriers de CIA TV. Donc, le vrai journal se passe ici, là-dedans. C'est pour ça que vous allez lire des choses, vous allez aller suivre l'histoire à l'école. Que l'histoire des Juifs et de ceci, on va vous bavarder des choses. Que Mohamed Gandhi a fait ceci, ceci a fait ceci, ceci, ceci. Que les Égyptiens ont fait le canal, des choses ont fait comme ça. Ça n'a rien à voir. La guerre des cieux de Guillaume Kippour. Dieu a les regards sur Israël. Et pour parler de cet Israël-là, vous voyez effectivement que je parle sous le regard d'Arnaud. L'une des dérives que les témoins de Jéhovah ont eu, c'est comme ça que tout le monde qui va dans la Bible contre Israël, vous allez faire un naufrage. C'est que les témoins de Jéhovah ne croient pas que Israël physique sera rétabli. Parce qu'ils se sont limités là où ils ont dit qu'ils ont tué le Messie. Dieu dit dans la Bible qu'il a rejeté Israël. Mais vous lisez le Nouveau Testament. L'apôtre Paul dit, je vous dis un mystère afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Oui, et s'ils si avaient compris cette question que l'apôtre Paul est soulevée, ils se seraient repentis. Mais c'est dans l'ordre encore des choses qui partent à perdition. Dans ce livre de Romains, chapitre 11, verset 25, il dit, voici, je vous dis un mystère, afin que vous ne regardez pas comme ça. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à... Regardez bien encore, par rapport à ce que nous avons lu ici. Ils sont tombés dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Alors, tout Israël sera sauvé selon ce qui est écrit. Donc, quelque chose est écrit là-dessus. Quoique c'est l'une des choses que si on prend, on va prendre 3 mois pour développer sur Israël. Israël, c'est que veut dire Israël? Quelle est la pensée de Dieu sur Israël? Quels sont les chemins qui sont censés être tracés? À quelle horloge nous nous trouvons devant Dieu? Et qu'est-ce qui est devant nous par rapport à Israël? Alors, il dit, tout Israël sera... Et il dit, voici, je vous dis un mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme ça. Dans ce Romains chapitre 11, verset 25, il dit, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Alors tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob ses impiétés. N'est-ce pas, mes vieux frères? Puis il explique que pour ceux qui aiment de l'évangile, ils sont ennemis à cause de nous, les païens. Mais pour ceux qui aiment de l'élection, ils sont aimés à cause de leur père, car Dieu ne se repent pas des dons et des appels. Donc, comme il a dit que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Jacob a été transformé en Israël. Pour toujours, Israël sera devant lui. Qu'est-ce que les témoins de Jéhovah utilisent? Au chapitre 9, ils vont prendre le fait que Dieu dit maintenant que le vrai juif maintenant, c'est celui qui en est de l'intérieur. En disant que non, tout ce juif, c'est spirituel. Il y a vraiment un juif spirituel, mais il y a un juif physique. Voilà. Parce que Dieu avait donné en même temps la circoncision physique pour une alliance physique qui n'était pas liée avec l'esprit. Il y avait une circoncision spirituelle dans la nouvelle naissance. Et la Bible déclare donc, toi donc qui es païen, qui a été hanté à ce corps, ne te glorifie pas. Parce que si les arbres naturels ont été retranchés, Dieu peut te retrancher aussi. Vous voyez cela? Il dit que si, quand il parle de la recherche scientifique, maintenant il dit qu'en science, vous remarquez très bien qu'on peut, greffer, on peut greffer la branche du manguier. Je cite pour que vous compreniez ce que la Bible dit là-bas, dans Romains 11. Il dit si on peut greffer le manguier sur l'oranger, c'est-à-dire qu'on coupe une branche de l'oranger, on enlève, on dépose de ce côté d'abord. On coupe maintenant le manguier. Vous savez qu'on fait le greffage comme ça? Alors, lorsqu'on fait le greffage là-bas, remarquez très bien, si on attache, lorsque la branche du manguier produit, ça produit, quand ça va produire, le fruit, c'est la mangue qui sort sur la branche là. Ça ne peut pas sortir l'orange. Pas vrai? Parce que ça, chacun doit produire selon sa nature. Le problème, c'est que la sève de l'oranger, comme ça porte là-bas, la mangue que vous avez là-bas, la sève et les sensations de l'orange. Alors, l'apôtre Paul explique que si vous êtes du manguier, on vous greffe sur l'oranger. Mais si c'est possible, alors que c'est la condition qui est difficile, à combien faut raison maintenant greffer un oranger sur un oranger? Il dit qu'eux, ils sont naturellement eux qui portent là. À combien faut raison maintenant si on peut greffer? Cela, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Dieu dit qu'il va les hanter de nouveau. Alors le mystère, donc, c'est, voilà, c'est encore qui est écrit là-bas. Il dit que Jérusalem sera foulée aux pieds, dans ce verset 24 de Luc, chapitre 21. Il dit Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Jusqu'à ce que, quoi, le temps des nations soit accompli. Donc Dieu a fixé un temps pour les nations. Le temps des nations, c'est quoi? Le temps que l'évangile est annoncé parmi les nations. Répentez-vous, quoi, le royaume de Dieu est proche. C'est la période de grâce. Entrez. Entrez. Entrez, voilà le temps des nations. Entrez. Entrez. Entrez. Alors, vous allez suivre cet enseignement-là de la grande tribulation et autres là-bas. Le temps des nations s'arrête avec quoi? Avec l'enlèvement de l'Église. Le temps des nations s'arrête avec l'enlèvement de l'Église. Limite, quand l'enlèvement se passe, pam, il se tourne maintenant vers les Juifs. En ce temps-là, il y aura les grincements dedans au milieu des nations. Un peu comme maintenant, il y a les grincements dedans chez les Juifs maintenant. C'est pour ça que voici le moment des saluts. Voici le moment de la grâce. Ne nous amusons pas. Parce que ça fait pas. Le sont tous qu'on dit post-tribulationniste, que l'évangile. Non, la Bible montre que l'enlèvement va avoir lieu dans les grandes tribulations. C'est les histoires. Tous les types. Avant que le Nouveau Testament ne soit écrit, les types de l'Ancien Testament montrent que l'enlèvement ne peut pas avoir lieu dans la grande tribulation. C'est avant. On a déjà vu tout cela. N'est-ce pas? Vous voyez, quand les gens disent que voici Noé. Noé, voilà, vous voyez Noé. Que le temps de Noé. Le temps de Noé, c'est quoi que j'en ai parlé dans cet enseignement-là? Voici au temps de Noé. Noé a été sauvé à la grande tribulation. Ils oublient qu'en fait, Noé n'est pas le type d'enlèvement. Il y a un type d'enlèvement qui s'est passé avant. C'est Enoch. Enoch a été enlevé, le reste a été sauvé, mais pas la grande tribulation. C'est ce qui est prévu là-bas. C'est ce qui est prévu. Remarquez encore Joseph. Quand Joseph est allé en Égypte, il s'est choisi une femme. Quand il a eu les enfants, avant de se révéler à ses frères qui sont les Juifs, il a d'abord fait sortir son épouse pour les mettre à côté. Donc, il ne se présente pas à l'épouse et à ses amis, à ses frères au même moment. Il faut qu'il présente son épouse à son père, puis il revienne se présenter à ses frères. Et Zacharie, chapitre 11, nous dit, ils vont lui dire que d'où vient ces blessures? Mais tu es notre Messie, comment tu es blessé? Il dit, je suis chez ceux qui m'aimaient. Donc le coup qu'on lui a donné, c'est ce qui s'est passé, parce qu'il m'aimait. Vous voyez? Et alors là, ils vont se déverser l'esprit de grâce sur chaque maison. Ils vont essayer de regrouper des maisons paternelles. Ils vont crier sur lui, pleurer comme on pleure sur un fils premier-né. Donc vous voyez effectivement, depuis ce verset 20 du chapitre 21 de Luc, on voit effectivement qu'il s'agit des Juifs ici. Et maintenant, cette prophétie a été accomplie sur Titus. Pendant plusieurs années, près de 4 ans, ils ont assiégé Jérusalem. Ils ont assiégé Jérusalem. Et ce qui est merveilleux, quand ils lisaient ça dès le départ, je voulais dire, ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur ne fait rien comme il a dit sans avertir. Les chrétiens, ses disciples à lui, étaient sortis de Jérusalem et aucun n'était mort dans ce coup-là. C'est merveilleux. Il dit bien, quand Titus est venu envahir quoi, Jérusalem, pour frapper et couper les gens au tranchant de l'épée, comme il écrit là-bas, les disciples étaient avertis. Ils ont quitté Jérusalem, comme Jésus avait dit, parce qu'il avait donné. Il dit que prenez garde, veillez. Vous voyez cela? Le moment est arrivé, les disciples qui étaient là à ce moment-là ont dit, quittez le Seigneur. Le moment arrive, le Seigneur avait dit que Jérusalem sera investi par les armées étrangères. Quittons. Ils ont fui partout, ils sont dispersés à la Syrie, partout là-bas. On est venu surprendre les gens qui étaient là-bas. Titus les a mis en garde là-bas, frappés. Il dit, priez que votre fuite ne soit pas en hiver. Parce que tu vas fuir en hiver, tu vas aller à l'extérieur avec le froid. Donc ce qu'il le fait, c'est l'hiver qui va te tuer. N'est-ce pas, frère? Puis il dit maintenant que ce sera encerclé, parce qu'en ce moment-là, Jérusalem est comme la ville de là, on a construit une grande barrière, parce qu'on construit une grande barrière, les forteresses. Et on laissait une porte principale où les gardes se tenaient. On ferme la porte la nuit, le jour, on ouvre. Et on entre là-bas, ce n'est que les portes pour entrer et pour sortir. Vous voyez? Si on ferme la porte, parce que le jour du sabbat, on fermait les portes, on ne sortait pas. Parce que c'est le jour du sabbat qu'on vous surprend là-bas, on va vous surprendre à l'intérieur. On n'avait pas de secours pour sortir. C'est ça dont il est question. D'accord? Que Dieu, notre Père, vous bénisse. Est-ce des questions? Donc gardez-vous à l'esprit que le Seigneur a dit que jusqu'à ce que le temps des nations soit arrivé. Donc on est arrivé au chrono des derniers secondes pour le temps des nations. Et l'horloge de Dieu justement c'est ça. Dans une autre partie, il va commencer à dire que lorsque les plantes, suivez la vigne. Vous voyez cela, quand ça commence à vous jeûner, vous savez que l'été est proche. Il dit de même, lorsque vous verrez ces choses-là arriver. Ah, je crois que c'est même écrit dans ce livre-là. Permettez-moi d'ouvrir encore mon livre de Luc. Luc chapitre 21. On y va. Regardez bien. Verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Regardez 13 dans tes mots. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne seront que faire au bruit de la mer et des flots. Non, mais c'est quand même terrible ça. Vous voyez? Donc le Seigneur Jésus-Christ en dit clairement. Il ne dit pas que la mer, le marigot va faire brrr, brrr, brrr. C'est pas ça dont il est en train de parler. Brrr, brrr, brrr, brrr. Le Seigneur Jésus dit qu'il y aura des découvertes scientifiques. Il y aura des choses. Les astrologues vont dire des choses par rapport au ciel. Les scientifiques diront des choses. Certaines choses, des événements qui sont en train de passer, des événements célestes qui sont en train de se passer. Il dit que ce sera l'indication pour vous. Donc, quand les scientifiques vont découvrir qu'il y a la planète telle, planète ici qu'on a découvert, et ici et autre, voilà telle chose, telle étoile brille plus que ceci, il y a telle étoile qui a disparu. Telle autre chose se passe dans le soleil. Le soleil a perdu sa clarté. Ou la température augmente, le soleil se rapproche de la terre. Il dit quand vous entendez ces bruits-là, c'est pour vous. Donc quand la science va faire, on va dire, waouh, nous avons découvert quelque chose. Quand moi j'écoute, je dis, waouh, ils sont devenus vers là où la Bible parlait. Or, eux, ils ne vont pas comprendre l'implication. Ils vont croire que c'est toujours pour développer leur science comme ils voulaient. Parce que quand le Seigneur dit, il y aura des signes dans le soleil, comment tu vas faire pour aller dans le soleil pour voir? Toi, chrétien, qui lis la Bible, tu qui n'aimes pas d'abord l'argent pour boire le tapioca, comment tu vas faire? Donc, Dieu a prévu que les scientifiques te donnent l'information. Vous voyez? Il dit, dans la lune et dans les étoiles, il y aura de l'angoisse chez les nations. Et nous y sommes maintenant. Il y a la terreur, la peur. Les gens vivent dans l'incertitude. L'angoisse est dans le cœur, véritablement. Parce que vous voyez effectivement que, vous savez effectivement tout simplement que il ne fait pas bon vivre nulle part. Donc, il n'y a pas d'endroit de sûreté ici sur terre maintenant. L'angoisse. Vous regardez comme ça, vous allez remarquer que chaque jour, vous avez des problèmes avec vous-même. Non seulement vous avez des problèmes, même si vous avez la nourriture, il va falloir que vous préparez chaque jour. Et quand vous préparez chaque jour, le lendemain, il faut encore préparer. Vous travaillez, il faut demain que vous travaillez. Vous avez l'argent, il y a les projets à résoudre. Vous voyez l'angoisse, les soucis. Puis il dit ici là que, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne seront que faire au bruit de la mer et des flots. Donc il y aura des agitations de part et d'autre sur la terre. Et nous y sommes, n'est-ce pas? Nous y sommes, n'est-ce pas, frère? Bon. Les hommes, écoutez, rendant l'âme des terreurs dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Puis il dit, car les puissants des cieux seront ébranlés. Oui, donc le Seigneur. Et ceci, ce n'est qu'un signe prémonitoire, un signe précurseur des démons qui vont tomber sur la terre. Il dit les étoiles du ciel seront ébranlées. Les étoiles du ciel seront ébranlées. Pas que les grosses étoiles là-bas. Il parle des démons ici. Donc on va les secouer dans les cieux, ils vont tomber sur la terre. Quand ils vont tomber sur la terre, maintenant, ils vont venir maintenant saisir, inverser le camp des saints. Je crois que l'une des fois, j'étais en train de parler à la radio, la fois où j'étais attaqué, j'étais en train de parler à la radio parce que j'ai vu un de ces catégories de démons là planer dans la région de Mungo. Je l'ai vu planer dans la région de Mungo. Je crois que j'ai parlé ça à la radio, vous vous souvenez? Je suis venu ici, j'ai parlé avec la voix là. J'ai vu le démon là planer dans la région de Mungo parce que j'ai vu exactement où il a atterri. Il a atterri comme ça, se réduit, entré dans la chair. Quand il dit planer, vous savez quand l'oiseau fait, quand il fait boubou, après il tend ses ailes. Et voilà, il vole comme ça. Il ne faisait pas de bruit, je l'ai vu. Quand c'est atterri là-bas, j'ai vu. Puis j'ai dit, des phénomènes anormaux vont commencer à se passer dans cette région-là. Des choses, c'est ça qui tient, c'est l'une des choses qui tient captif cette région-là. Vous allez remarquer que quand on dit que tu viens de la région de Nkonsamba, on commence à te regarder comme ça que Nkonsamba, les gars de Nkonsamba, les gars de Nkonsamba, c'est comme si c'est une notoriété. Pourtant, c'est une malédiction. Vous voyez? Donc les gens, quand vous sortez de Nkonsamba, c'est comme si on vous donnait l'esprit de vol. Vous êtes naturellement voleur, expert en vol et en mensonge. Donc c'est là-bas. J'ai dit, des phénomènes naturels vont commencer à avancer là-bas. Ça va se manifester. Et des choses bizarres vont commencer à arriver. On va même dire que les jeunes sont devenus comme ça, croyant que c'est ça, mais c'est cet esprit qui est en train d'agir. Parce qu'il est enveloppé maintenant. Vous voyez, c'est quelqu'un de physique comme nous maintenant. Il est allé là-bas. Il va faire certaines choses. Je me souviens un jour quand je suis allé en Nkonsamba là-bas, j'étais en train de causer avec quelqu'un debout. Il y avait un enfant comme celui-ci, comme ça, là, 3 ans. Pendant que je causais avec le je ne sais pas avec qui je causais. Il est derrière, il me touche comme ça au pantalon, il me touche. Il dit, moi j'étais occupé à ce que celui-ci me disait. Lui, il était là, il me grattait. J'entends grand fier, il a faim. Donc je me suis tourné vers lui pour savoir de quoi il est. Un petit garçon, moins de 3 ans. Grand fier. Il dit en Nkonsamba. Comme vous avez l'esprit qui est là-bas. Il me touche comme ça. Grand fier, il me tire au pantalon. Grand fier, il a faim. Mais tout, je dis, qu'est-ce que tu veux? J'ai faim. Il est sorti 100 francs dans ma poche. Je lui ai donné mes tournes maintenant pour continuer à converser. Subitement, le Saint-Esprit ouvre mon oreille. Il va maintenant vers son ami. Il dit, j'ai fait le grand là. Un enfant de moins de 3 ans. Je me suis tenu, regarder l'enfant comme ça. Il dit, il m'a fait. Fait, ça veut dire qu'on t'a frappé, il t'a composé. Tu lui as donné de l'argent. En ça, c'est en consommant moins de 3 ans. Donc il a dit qu'il m'a fait. Pourtant, il m'a dit qu'il avait faim. Donc ça veut dire, arrêtez, n'a pas. Donc là, le banditisme, c'est la malédiction seulement là-bas, à l'âge de 3 ans. Un des seuls, vous allez entendre qu'on l'a tué parce qu'il a volé du café. Alors, voilà des telles choses qui en ont. La Bible déclare donc ici que les puissants des cieux seront ébranlés. Quand ces esprits-là descendent, prennent le corps, quand ils viennent, il y a des comportements anormaux dans les êtres humains. Les êtres humains commencent à se comporter. Vous allez dans un endroit comme cela, c'est le vol. Dans un autre endroit, quand ce sont les styles des esprits correspondant à ce qui est descendu là-bas, vous voyez les jeunes filles qui accouchent de part et d'autre. Dans un autre endroit, les jeunes ne veulent pas aller à l'école. Ils sont seulement rebelles, ils commencent à jouer aux cartes de part et d'autre. Vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Il y a une puissance qui règne dans cet endroit. Il y a des villages où vous voyez les jeunes garçons comme ça, là, ils vont seulement en brousse chercher le vin blanc. Venez s'asseoir au quartier, jouent le songo, boivent. Ils avaient le ventre comme ça, après ça, c'est tout ce qu'ils savent faire. Vous regardez comme ça, vous dites, mais donc, pour lui, c'est boire. C'est pas normal. Regarde, c'est comme ça que ça. Et donc, la Bible déclare qu'il y aura les angoisses parmi les nations. Ça va arriver au niveau où ceux qui sont les plus diplômés seront touchés. Les plus touchés. Parce que les diplômes qu'ils ont acquis, l'intelligence et la force qu'ils ont acquis, ils ne vont pas trouver du travail. La seule et unique conséquence qui vont descendre dans les rues, ça sera universel. Donc, ceux qui construisent les maisons, comme vous voyez, les grosses maisons construites, on met les barrières là. Même le gardien ne pourra rien l'arrêter. Parce que quand quelqu'un saura qu'il a faim et qu'il n'a pas résolu le problème, et que toi tu as 4 voitures dans ton parc automobile, tu vas donner pour eux. Comme les gens disent qu'ils ont des gardiens devant la porte. Un gardien va faire quoi avec le couteau? Il va dire que mon gars a ramassé, vous me donnez pour moi, parce que même mon salaire n'a pas payé depuis 3 mois. Donc, ça va arriver de toutes les façons. Ça va arriver où? Oh mon Dieu, investissons dans le camp du Seigneur. Investissons dans le camp du Seigneur. Soumettons-nous sous lui afin que dans le moment de détresse, il puisse nous en délivrer. Puis il dit, les hommes se rendant, verset 26, les hommes rendant l'âme de la terreur à l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissants des cieux seront ébranlés. Quand il dit les puissants des cieux seront ébranlés, il parle des démons ici. Vous pouvez lire ce partout cela dans la Bible. D'accord? On ne parle pas de l'étoile physique qui brille là-bas. Ce sont les luminaires, ce sont ce que la Bible appelle dans 1 Pierre. Et dans Jude, là, les astres errants sont tenus des questions. Ils vont tomber sur la terre. Quand ils vont tomber, donc, quand ça tombe dans une zone, si c'est le démon de l'homosexualité, le démon de l'homosexualité va se développer là-bas. C'est le démon de mensonge. Chaque quand quelqu'un te dit bonjour, tu étais où hier soir, même pour rien, il ment. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Puis il va le donner par la suite dans la comparaison tirée du figuier. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Autre question, frère? Là, c'est compris, mon cher. Ça va? Autre question? Troisième question. Oui. La question est la suivante. Durant toutes ces périodes de jeûne, oui, le Seigneur donne généralement les tests, les versets de Dieu. Oui. Ma question, comment est-ce qu'on a appréhendé ces versets de Dieu? Donc, c'est vers au milieu comme ça que tu demandes. Entre temps, tu utilises comment? Peut-être que je suis en train de faire mal. Non, tu ne fais pas mal parce que pour une fois, il y a les instructions qui ont été données. On a noté cela. C'est quoi? C'est 7. C'est ça? Tu étais là? Hein? Tu as noté? Non, c'est quand même curieux celui-ci. Tu veux qu'il dise autre chose qu'autre que cela? Il dit comment les appréhender, comment les utiliser. On a dit clairement qu'en lisant, c'est de répondre à cette question-ci. Voilà ce qu'il faut faire. On peut me donner travail à faire. Tu me dis qu'il vient dire autre chose qu'autre qu'il n'a pas dit. On a dit que voici le travail à faire. Voilà le travail qu'il faut faire. Tu veux que j'ajoute quelque chose sur n'aime pas ajouter quelque chose sur ceci là. Lorsqu'on aura fini, on va voir ce qu'il va encore. S'il dit qu'on arrête pour le moment, on arrête aussi. Selon qu'il va faire, on fait, on suit. Mais pour le moment, on répond à ces questions là. Autre question. Donc les femmes normalement, en ce jour-ci, ce 30 novembre-ci, vous connaissez votre position devant le Seigneur. Vous les femmes, chacun sans exception. Si vous avez lu, si vous avez fait la grève de la faim, c'est votre problème. Si vous avez lu la Bible en regardant ce qui est là-bas, vous connaissez votre place devant le Seigneur. Vous savez qui vous êtes. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Vous ne voulez pas parler, les femmes? C'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Vous connaissez votre position. Je ne peux pas en dire plus. Vous connaissez votre position. Donc, vous êtes parvenu à vous voir comme Dieu vous voit. L'état là, c'est votre état. Si vous êtes parvenu à voir votre état, c'est votre état. Donc, y a-t-il des questions? Sinon, on va quelque part ce soir. Y a encore des questions? Ou bien moi, je vous pose, j'en pose. Oui, frère. Oui, ma question c'est là. Ézéchias. Quel Ézéchias? Il y a un livre qui est avant Ézéchias. Tu as entendu ce qu'il a dit, frère? Pose-lui la question. Je dis ma question, c'est là. Le livre d'Ézéchias. Le livre d'Ézéchias, c'est Ézéchias. Chapitre 9, verset 8. Oui. Il dit qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs. Et que l'huile ne manque point ta tête. Il y a un livre qu'on appelle comme. Ça ne se trouve pas dans le livre d'Ézéchias. Ça, c'est le livre d'Ecclésias. Ecclésiaste. Voilà. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Oui. Et que l'huile ne manque pas point sur ta tête. Oui. Bon, je vais expliquer quelque chose avant que je. Oui, vas-y. Bon. J'ai vu souvent, on a l'habitude d'utiliser ce verset, c'est en prenant l'huile, donc sur un plat sur la terre, en disant ou en déclarant ce que. Lève-toi, tu expliques ça parce qu'il y a des gens qui sont sortis des dénominations, ils vont nous expliquer comment ils reçoivent souvent ça. Lève-toi, viens. Tiens-toi, c'est dit au frère là, il y a les anciens là-bas, les anciens pasteurs, les anciens. Oui, dis-le. En fait, ce verset, si j'ai vu un frère. Ça, c'est Ecclésiaste combien? Chapitre 9, verset 8. Verset 8, oui. Quand tout temps, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Oui, allons-y. Je lui avais une bouteille d'huile d'olive. Oui. Il mettait sur la main et il déclarait ses paroles en mettant sur sa tête chaque matin. Oui. Bon, il était en blanc chaque matin. Non. C'est que ça règle le problème, pas vrai? Parce qu'on a dit que la condition, c'est qu'il faut que lui soit sur ta tête et que tu sois toujours en. C'est que c'est un christianisme céleste. Viens t'asseoir, frère. Il dit qu'il prend l'huile d'olive chaque matin, il met sur sa tête que. On a dit que je mets ça sur ma tête chaque matin avant d'aller au travail. Voilà autant de choses. Les paroles de l'Ecclésiaste, ce sont des énigmes. Ce sont des énigmes qui sont données là-bas. Donc quand vous lisez la Bible, après avoir lu ce que vous avez vu, il faut lire. Bon, dans le chapitre 11, Il a dit que jette ton pain à la surface des eaux, non? Celui-là, chaque matin, quand il sort le matin, il va jeter ça sur la fin. Il prend le pain, il va jeter sur l'eau. N'est-ce pas, c'est écrit là-bas que jette ton pain à la surface de l'eau, parce qu'avec le temps, tu vas le trouver. Va alors balancer au pont de Vourou, tu jettes de l'eau, le pain, tu prends ton pain qu'on va manger. Jette sur ça, tu attends, tu vas voir encore le pain, on va venir voir. Donc, c'est parce qu'il est en train de signifier quelque chose en leur disant. Ce sont des énigmes. Ce sont des paroles. D'accord? Oui, frère. Hier, comme cette nuance-là qui me brouille un peu les idées, lorsque je parcours les Éphésiens, oui. Je me rends compte que l'apôtre Paul dit qu'ils sont en Christ. Donc, oui. Je parcours les Colossiens, l'apôtre oui. Paul dit que Christ est en eux. Oui. Les Éphésiens, ils sont en Christ. Et les Colossiens, Christ est en eux. Oui. Comment. En fait, c'est les deux. Que veut dire baptiser? Plonger dans, n'est-ce pas? Maintenant, la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, que nous avons été baptisés dans. Tu vois qu'on a été plongé dans un esprit. Cet esprit-là, c'est quoi? Quand tu reçois le Saint-Esprit, il entre en toi, il est où? Donc tu es à l'intérieur de lui, il est à l'intérieur de toi. Donc en fait, vous êtes englobé. C'est ce qu'il a dit dans Jean chapitre 17 lorsqu'il priait. Moi en eux, eux en nous, afin que nous soyons tous un. D'accord? Voilà, donc c'est ce que le chrétien est en même temps. Donc tu es englobé en même temps à l'intérieur et à l'extérieur. Exactement comme tu es dans l'atmosphère. Tu as l'air à l'intérieur de toi que tu respires, tu es entouré par l'air. D'accord, frère? Ce n'est pas seulement les Colossiens qui sont comme ça. Ce n'est pas seulement tous les chrétiens sont comme ça. Mais le développement stage par stage pour la révélation, c'est autre chose. Si tu lis le livre des Galates chapitre 14, verset 14, passe-toi bien. Dans ce Galates chapitre 4, verset 19, il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc Christ grandit en eux. Tu vois un peu cela. Pourtant, ils sont des chrétiens. Mais Christ, oh, Christ c'est l'esprit. Donc le développement de l'esprit. Et la Bible déclare dans 1 Pierre 2 Pierre 3, les deux derniers versets, que je grandissais dans la connaissance de Christ. Tu vois un peu cela, frère? Donc, au fur et à mesure, tu reflètes. Oui, mon cher. Je voudrais savoir, c'est quoi le baptême de feu? Quel baptême de feu? C'est l'enfer. Tu pensais que c'était quoi? J'aimerais suivre un peu trop les choses qui ont été dites tantôt. D'autres disent ce sont les épreuves. D'autres disent. C'est le jugement, c'est oui. L'enfer. Bon, celui qui disait ce sont les épreuves a dit c'est le même Seigneur qui baptise du Saint-Esprit, c'est encore lui qui baptise du feu. Donc il disait que le feu en question. Mais c'est lui qui baptise, c'est toujours lui qui envoie en enfer, c'est pas Satan qui envoie quelqu'un en enfer. Et il disait comme quoi pour baptiser, il faut déjà prendre la personne, le plonger dans le feu et que Jésus-Christ n'ira jamais en enfer pour plonger les gens dans le feu. Quand il te baptise par l'esprit, il te plonge pour te plonger dans l'esprit. Tu as vu quelque part quelqu'un, Dieu a arrêté quelqu'un pour plonger dans l'esprit. Voilà, comme tu ne vois pas, c'est comme ça que tu n'as pas osé voir pour l'enfer. Lisons dans ces matières chapitre 3. De quoi on en a résolu le problème ici. Suivez tout simplement les enseignements. Matthieu chapitre 3. Et vous voyez effectivement comment les pasteurs se réunissent pour prier avec les fidèles pour recevoir le baptême du feu. Et vous leur posez la question, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Il n'y a pas un seul passage de la Bible pour le baptême du feu pour les chrétiens. Il n'y en a pas, ça ne se trouve pas. Il dit que le baptême du feu, vous allez recevoir le Saint-Esprit et le feu. Et c'est pour ça que quand le prophète parle, il faut faire attention à ce que le prophète a dit. Matthieu chapitre 3. Regardons à partir du verset 5. Regardez bien. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui, Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc, nous voyons effectivement que dans le contexte de Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste s'assoit là-bas, il voit qu'il y a deux groupes au-devant de lui. Le Saint-Esprit dit que les gens venaient, confessaient le péché, se faisaient baptiser par lui. Donc, ils acceptaient le message de Jean-Baptiste. Et par conséquent, ils sont préparés. Le cœur est préparé comme sa mission le dit pour recevoir le Seigneur. Mais nous allons voir plus tard que c'est ce groupe de sadducéens et de pharisiens qui vont venir jusqu'au baptême des gens. Ils ne vont pas se baptiser, ils vont aller confronter Jésus. Et une de ces, je vais demander l'autorité à Jésus. Parce que qui t'a demandé de faire ces choses-là? Il dit que le baptême des gens, il leur a envoyé que, en fait, votre point d'achoppement, c'est au niveau du baptême des gens. Il dit le baptême des gens, donc, d'où venait-il? Ils sont allés se concerter. Si on dit que. C'était des dieux. On va dire que okay, dans ce cas, pourquoi vous n'avez pas cru? Donc, ils admettent là qu'ils n'ont pas cru au baptême des gens. Puis ils disent que, si nous disons que, nous tentons de dire que ce n'était pas de Dieu, que ce n'est pas un prophète, c'est que les gens là vont nous finir. Si tu connais les juifs, alors ils ont constaté que, alors on lui dit qu'on ne connaît pas. Il dit, ok, on ne connaît pas d'où ça venait. Il dit, ok, tant que vous ne connaissez pas, le jour où vous allez connaître, moi je vais vous dire où vient mon autorité. Donc l'autorité du Seigneur Jésus-Christ vient en confirmation du baptême des gens. Parce que Jean avait dit que moi je vous baptise d'eau, il l'indique quelqu'un. Donc il voulait leur dire que si vous avez compris ce que Jean faisait, vous allez comprendre ce qu'il était en train de dire. Donc nous voyons effectivement que ces gens, le groupe des Sadducéens et des Pharisiens, avaient des pierres d'achoppement le baptême des gens. Donc ils sont venus accepter le baptême des gens, ils n'ont pas accepté le baptême. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors donc, devant le groupe du baptême des gens, on se trouve donc deux groupes de personnes. L'un des groupes sont ceux qui sont nettoyés pour que le cœur soit préparé au Seigneur. Le deuxième groupe maintenant, ils appellent race des vipères. La race des vipères, donc suivant ce que Jean-Baptiste va dire, allons comme ça. On va voir ta maman de l'autre côté. Dans la race des vipères, il dit ici, regardez, produisez, on lui dit, non, verset 7, c'est pas fini, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ce n'est pas qu'ils ont fui, c'est qu'ils ont compris, ils ont venu jusqu'à là, sachant que voici la solution pour fuir la colère à venir. Puis le valet dit maintenant, produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne mettez pas à vous dire que nous avons Abraham pour père. Et remarquez bien qu'avant qu'on fasse le soleil jusque dans Jean chapitre 8, ils vont dire que nous avons Abraham pour père. Jean-Baptiste leur avait dit ça par prophétie. Bientôt vous allez commencer. Ne quittez pas ici en disant que vous ne faites pas ici. Vous allez dire qu'Abraham pour père. Croyez que vous êtes Abraham descendant d'Abraham, c'est suffisant. Non. Si vous êtes Abraham par prophétie, vous devez faire les œuvres de la foi que la personne qui a engendré Abraham, quand il dit, on obéit. Vous voyez, donc ils étaient Abraham physique, mais ils ne pouvaient pas être engendrés par lui. Regardez, puis il dit maintenant, verset 9, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Puis il dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Vous voyez ce qu'il a dit, la cognée, la hache. Donc Dieu a déjà levé sa hache. Donc le moment du jugement est en train d'arriver sur tous les hommes, c'est ce qu'il a dit. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Donc, quand vous voyez, vous pouvez voir cette image-là, voici l'arbre. Quand l'ouvrier quitte au champ, il part avec la scie ou bien avec la matière, avec la hache, il met sa hache là. Quand il arrive en bas, il finit de s'arrêter, il arrête la hache pour prêt à frapper sur l'arbre. C'est cette image que Jean-Baptiste utilise pour dire que le jugement est bientôt maintenant sur les êtres humains. Donc, les arbres ici, ça typifie les hommes, et la hache ici typifie la main de Dieu qui va bientôt frapper. Il dit. Verset 10, déjà la cognée, la hache, n'est-ce pas, est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté où? Vous avez vu là où ça va se trouver, n'est-ce pas? Vous avez vu ça? Maintenant, il dit, moi, je vous baptise d'eau. Or, remarquez bien, il y a une population devant lui. Il dit, je vous baptise d'eau. Ce n'est pas tout le monde qui baptisait. Il baptisait ceux qui acceptaient son baptême. Je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc ceux qui acceptent ce baptême d'eau, ils sont scellés dans le Saint-Esprit. Et il va réexpliquer ça là dans le verset suivant. Et puis il dit et de feu. Donc le deuxième, c'est feu. Donc les deux sont des baptêmes. Parce qu'on a dit du baptême du Saint-Esprit et du feu. Donc il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a le baptême du feu. Maintenant, il dit, il a son van à la main. Donc il est prêt à vanner. Il nettoiera son... Il amassera son blé dans le grenier. Le blé, c'est quoi ici? Le grenier, le blé, c'est quoi? Comment est-ce qu'on le réunit dans un corps? Par le baptême du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12 dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Voici ça. Il dit, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Voilà deux baptêmes. Voilà ce qu'il expliquait là-bas. Je ne sais pas comment le pasteur peut aller prier que reçoit le baptême de feu. Donc, aller en enfer. Tu dis que je vais en enfer au nom de Jésus. Tu dis à ton voisin, cesse les bêtises. Voilà. Ça va, n'est-ce pas? Vous allez remarquer donc que chaque fois, je viens de lire dans le livre de Matthieu. Lisez dans le livre de Marc, de Luc, de Jean. Lorsque ces choses seront, la même prédication de Jean-Baptiste sera relatée. Si on fait mention des pharisiens là-bas, il va parler de. Lorsqu'il va parler de baptême du Saint-Esprit, il va parler du feu. Si on fait seulement que tous les habitants de Judée vont aller se faire baptiser par lui, il va parler. Lorsqu'on va parler, on va seulement parler du baptême du Saint-Esprit. Donc chaque fois qu'il y a des pharisiens, on parle du feu de jugement. De la destination finale des deux groupes, ceux qui vont être baptisés par là et ceux qui ne seront pas baptisés. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Des questions? Oui. Quand Je ne vais plus me répéter. Si quelqu'un veut commencer à parler, parler à haute voix. Parce que moi, je parle, j'ai ressenti ma voix pour que vous entendez. Et là-bas, et là-bas. Vous parlez comme des poules mouillées. Une dernière question à la 1 Timothée chapitre 6, à partir du premier verset. Il dit que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Oui. Enfin, je veux comprendre ce qu'il veut dire par là. Je ne comprends pas quand il dit. Quand il dit que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude, oui. Ouvre Colossiens chapitre 3. Vous êtes dans Colossiens chapitre 3. Quand vous allez ouvrir Colossiens chapitre 3, préparez Éphésiens chapitre 6, le verset 5 aussi. Parce qu'on va retrouver la même chose là-bas. D'accord? Colossiens chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 18. Ou bien, allons-y rapidement. Ou bien, verset 18. Donc vous notez Colossiens chapitre 3, verset 18 à 22 et Éphésiens chapitre 6, le verset 5 et 6 pour sa question. Donc en réalité, dans 1 Timothée chapitre 6, il dit que tous ceux qui sont sous le joug, c'est pour ça que si vous lisez la Bible comme ça, et vous ne cessez parce qu'on dit, vous allez dire que Dieu prend l'esclavage. Quand on a parlé encore de l'esclavage, qui, c'est bien d'être dans l'esclavage. Il dit que tous ceux qui sont sous le joug, donc sous le fardeau, c'est pour ça que je vous ai dit, la dernière fois, je vais dire, c'est qu'on veut dire qu'on va éradiquer la pauvreté. Il y aura toujours les gens qui auront de l'argent et les gens qui vont travailler chez eux. C'est pour ça que dans la Bible, il y a des enseignements pour eux. Je crois qu'on avait vu ici un enseignement employé et employé au service du Seigneur, n'est-ce pas? Que l'employé est au service du Seigneur, l'employé est au service du Seigneur. Tu es un employeur chrétien, tu es un employé chrétien, la façon dont vous travaillez, vous devez travailler pour le Seigneur. Vous suivez, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a été serviteur, pas vrai? Mais pourtant, il est en même temps maître. Donc, il est en même temps maître et serviteur. Que tu sois serviteur dans une maison, ou bien maître qui commande, tu portes les attributs du Seigneur Jésus-Christ. Donc tu dois être maître comme le Seigneur Jésus-Christ est maître sur ces gens. Tu dois être serviteur comme le Seigneur Jésus-Christ sert pour ces gens. C'est pour ça que vous devez servir, quelque chose que vous allez faire comme si c'était pour le Seigneur. Colossiens chapitre 3, regardez verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Vous voyez, ce sont les instructions qu'on a données pour chaque membre de la famille. Nous sommes dans le foyer ici. Il touche le père, la mère, les enfants. Puis il va toucher maintenant pour le foyer qui ont les gens qui travaillent dans la maison, comme on appelle les gouverneurs, ben les bonnes. D'accord? Maintenant, il dit serviteur. C'est de ça qu'on dit les questions ici, mon cher ami. Obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Donc, je suis dans une maison, je suis en travail là-bas comme employé. Le maître n'est pas à la maison. Quand je balaie, je passe le balai là où il y a. Vous savez, généralement, quand il y a les chaises comme ça, il y a la saleté là-bas. Mais le jour où le maître est à la maison, quand il balaie, maf, je porte tous les chaises, je rentre dans un côté, je lave partout pour montrer que la personne est là. Quand le jour il n'est pas là, une semaine n'est pas là, quand il balaye passe partout, quand le travail n'est pas là, il vient soulever la chaise, il voit la saleté là-bas, mais tu ne sais pas qu'il a été surveillé. Dieu veut nous dire que quand vous travaillez quelque part, écoutez très attentivement, on m'emploie quelque part. Je ne sais pas, le monde est foutu seulement. Je suis employé quelque part. Même si les gens qui mettent des caméras de surveillance, c'est pour prévenir leur bien, parce qu'ils peuvent faire autrement. Au-delà de ces caméras de surveillance, il y a la caméra de surveillance de Dieu. C'est pour ça que dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 6, il dit que ce que Dieu veut, c'est que personne n'use de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur t'y vengera de toutes ces choses-là. Puis il dit, si quelqu'un rejette ses préceptes, il ne rejette pas un homme, mais Dieu. Donc chaque fois que tu vas employer quelqu'un, c'est pour ça que dans Jacques chapitre 5, verset 11, il dit que voici les travailleurs qui ont travaillé dans vos champs, et donc ils ont moissonné dans votre champ, et donc le salaire, vous avez frustré leur salaire, leur cri-cri. On criait jusqu'au ciel et que le Seigneur s'est tombé entre les oreilles du Seigneur des armées. Il s'en est souvenu. Il dit que votre richesse est pourrie. Donc, chaque fois quand quelqu'un va travailler chez toi, quand il travaille chez toi, il est bien, il est bien. Vers le 25, le 26, tu vas le payer. Tu commences. Qui a mis le truc ici? Qui a cassé le plat là? Parce que tu fais tout et tout pour ne pas donner son salaire. Dieu a le doigt sur toi. Alors donc, il est en train de parler donc des gens qui travaillent dans la maison. C'est pour ça qu'il a utilisé sous le joug de la servitude. Joug, tout simplement parce que tu es obligé de travailler là pour gagner ta vie. C'est ça, en ce sens qu'il appelle joug. Il ne veut pas dire que c'est un esclave qu'on t'a pris là-bas comme en Israël. On prenait les gens pour qu'ils viennent travailler par force. Non. Vous vous convenez que vous allez travailler chez ton maître, il va te payer. Fais le travail que tu es censé faire et mérite la paix que tu es censé donner. Si je travaille bien ton travail, il ne donne pas. La Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Ce sont des commandements terribles. Alors si quelqu'un travaille pour toi, fais tout et tout pour que les clauses que vous avez faites avec lui soient respectées. Parce que même si tu fais n'importe quoi devant les hommes, tu dis, ah, il est qui? Sache qu'à cet instant-là, en tant que chrétien, tu as abandonné Dieu, mes chers amis. À cet instant-là, tu as abandonné Dieu. Dieu ne couvrira jamais ce genre de péché parce que la Bible déclare qu'il t'y vengera de toutes ces choses-là. Donc vous allez faire tout pour régler cela. Même si tu as fait quelque chose à quelqu'un, il m'avait fait quelque chose. Cette chose n'est pas en relation avec son salaire. Si c'est en relation avec son salaire, paye son salaire. Si ce n'est pas en relation avec son salaire, punis-le autrement, mais paye son salaire. Ne fais pas que quelqu'un va chez lui alors qu'il a l'espérance pour payer sa maison, la maison de son femme et des choses à ses enfants. Il a donné ses promesses, il ne peut même pas payer. Toutes les qu'il va faire envoie des malédictions sur toi, soit chrétien ou pas. Parce que la Bible est claire que c'est la malédiction sans cause qui n'a pas d'effet. Donc si ça a des causes, ça va tirer contre toi. Dieu est un père de famille. Il va vous mettre ensemble en tant que père. Il est ton père, il est son père. Tu es son maître, il est ton maître, il est ton maître. Vous voyez cela, vous deux dont vous êtes ses serviteurs. Il est le juste juge, il va régler le problème en étant juste juge. D'accord mon cher? Autre question là? Je crois que faudrait mieux d'utiliser, écoutez cet enseignement là, l'employé, employeur et employé au service du Seigneur. Oui mon frère. Bonsoir l'Assemblée. Bonsoir. Je me rappelle le frère Ned. Pendant que j'écoutais l'enseignement, en fait, employé, employeur, c'est un témoignage. Oui. J'étais au bureau lorsqu'on a approvisionné l'entreprise des médicaments. Oui. Ça y est, les médicaments de la société. Et en fait, pour prévoir des petits bobos. Et c'est comme ça que je voulais donc. Les médicaments sont arrivés et dans mon esprit, je devais prendre quelques médicaments pour le mal d'estomac. Oui. Et il y avait également certains autres médicaments que j'avais jugé utile de prendre. Mm-hmm. Que non, c'est quand même ton. Ce sont les retombées. Voilà, que c'est l'entreprise et que je devais. Bon, garder ça à la maison. En fait, j'ai également droit. Mm-hmm. Oui, et il faudrait que je prenne quelques comprimés pour mettre à la zone. Parce que s'il y a un souci, je. Et directement, le Seigneur m'a. Repris. M'a directement repris. C'est-à-dire que j'avais déjà pris. Ils ont gardé de côté. Bon, j'avais mis ça dans mon sac. Oui. Ça, après, on appelle ça vol ou pas vol. Ça, c'est le vol. Voilà. Mm-hmm. En fait, pendant que je suivais donc l'enseignement que j'ai reçu, j'étais effectivement employé. C'est comme ça que le Seigneur a commencé. Le jour là même, mm-hmm. ça ne fait pas deux semaines. Donc le jour où il y avait un médicament, tu as suivi cet enseignement-là. J'avais l'enseignement sur. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus, n'est-ce pas? J'avais l'enseignement dans ma clé, j'étais en train de suivre au bureau. Oui. Donc tu suivais au bureau, il y avait le médicament déposé là-bas. Et le médicament est arrivé en fait. Oui. Vous savez comment Dieu fait les choses, n'est-ce pas? J'ai pris ça, j'ai mis quelques médicaments de côté. Directement à la voix du Seigneur me dit, mais tiens. En fait, moi je dis simplement que bon, moi je suis employé et je peux prendre ça même à la maison. Et directement, une voix me dit que bon. Et ceux qui seront malades à l'instant à l'entreprise, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Après, je me suis toujours un peu ennuyé. Après, j'ai voulu rester calme. Après, cette voix, il faut que le médicament, c'est le vol. Je ne peux pas vous tromper. Je me suis levé. Oui. Et j'étais vraiment pas en paix. Mm-hmm. C'est quand j'ai remis le médicament dans la pharmacie. Que la paix est revenue. Vous la soyez rendu au Seigneur, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je suis allé, je me suis. Et le Seigneur me dit, mais est-ce que tu peux prendre ce médicament? Et mettre dans ton sac pendant que tout le monde voit. Voilà, et tu fais ça en cachette. Je fais ça en cachette en fait. Et c'est la question que le Seigneur me pose. Mm-hmm. Fais un peu ça devant les gens, on voit. Est-ce que tu peux prendre ça en mettant dans mon sac et les gens sont en train de. Pété, voir. Je me suis levé. J'ai également pris la salière, récupéré, aller le mettre là. En place. Uh-huh. Et du coup, j'ai senti comment la paix est revenue. Amen. Donc, je rends vraiment grâce au Seigneur pour. Cet enseignement et ce qu'il a permis, ce qu'il a fait. Amen. Par rapport à cette situation. Amen. Amen. Ouais, on dit que les enseignements non, sont les corrections pour la vie, n'est-ce pas? Ça nous éclaire. Le frère prend, ça dit. Et quand, en prenant, comme il disait, il prend doucement, il guette comme ça que le collègue du bureau n'est pas là. Il prend, il met là-bas. Après, il dit, j'ai la joie dans mon cœur. Jésus, quand je finis de chanter comme ça, quand ça finit, tu sens que la joie n'est pas là. Je vous avais dit qu'il y a trois personnes que vous ne pouvez pas mentir. Vous ne pouvez pas mentir vous-même. Vous ne pouvez pas mentir Satan, vous ne pouvez pas mentir Dieu. Vous voyez, quand tu te trompes, même si tu fais. C'est ça que les gens disent dans le monde qu'il faut qu'il noie mes soucis. Il porte la croix, il verse là-bas, il sait qu'il se crée plus tous les problèmes. Quand il fait comme ça, quand ça finit, les problèmes ont changé. Même les problèmes là, ils savent maintenant comment submerger. Ah. Ça va, des questions? Il n'y a plus de questions? Oui, mon cher. Je voulais savoir, pour un problème peut-être fondé, est-ce qu'un chrétien peut entraîner un païen en justice sur la base de Romains 13? Sur la base de Romains 13. Quand tu dis sur la base de Romains 13, c'est la base de Romains 13, dit qu'on entraîne ou quoi? Ou bien tu poses tout simplement la question, tu laisses que la Bible réponde. Non, le Romain 13 dit que toute autorité parmi nous a été établie par Dieu. Mais quand il me dit sur la base de Romain 13, il ne peut plus rien dire. Tu m'as présenté la Bible. Non, allez voir sur la base de Romain 13. Go quoi? Bon, si pour un problème fondé, est-ce qu'un chrétien peut enseigner un païen? Un problème fondé, oui, il peut le faire. Mais c'est au cas par cas. Qu'est-ce qu'il y a? Eh mon cher. C'est au cas par cas. Vous avez remarqué que l'apôtre Paul, lorsqu'il avait été entraîné devant la justice humaine, il a vu effectivement qu'il y avait un guet-apens qui était tendu contre lui. Il dit, j'en appelle à César. Jusqu'à ce qu'on a amené à Rome, on attendait que ses accusateurs viennent là-bas. Il a dit, j'en appelle à César. Il fait appel à César pour qu'on puisse aller juger ces choses-là devant César. Quand il va se tenir devant César, il va lui donner sa cause, l'autre va plaider sa cause. D'accord? Mais ce qui se cache, c'est pour ça qu'il dit, c'est au cas par cas. Les chrétiens aujourd'hui, et particulièrement les chrétiens bassa, quand ils changent, même leur timbre ne se convertissent pas. Ils sont prêts toujours au problème. Mais la Bible déclare qu'il faut qu'on laisse la vengeance. Le chrétien qui a compris l'amour de Dieu, le jugement de Dieu, laissera toutes ces choses entre les mains du Seigneur. C'est pour ça qu'il dit au cas par cas. Si tu n'es pas mûr, porte plainte. Tu es dans tes pleins droits. Tu es dans tes pleins droits. Si tu es assez mûr, c'est un peu comme on parle de ce vient de sacrifier. Il dit que je peux manger les graisses, je vais sacrifier, mais si quelqu'un va causer une occasion, je ne mange pas. Tu vois un peu, n'est-ce pas? C'est au cas par cas. Allons-y, frère. Mais contre un chrétien, c'est non, pas vrai? N'est-ce pas, frère? Si tu portes plainte contre un chrétien, ça suppose que, comme on a dit qu'on est un corps, c'est un peu comme si ton pied se fait le problème, tu prends le chicot, tu tapes ton pied. Après, c'est toi qui vas faire comme ça. C'est pas ça. Parce qu'on a dit que nous sommes tous dans le même corps et chaque personne est membre. S'il n'y a pas d'ordre, on prend un passage dans la Bible, on lit, on va voir là où ça nous conduit, si vous le voulez bien. On y va? Mais sans attendre, prions. Père, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Merci pour tes grâces et pour ta faveur pour nous. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu nous conduis toujours chaque jour, même dans le moment où nous ne nous attendons pas, tu es avec nous. Tu es avec nous même quand on ne t'invoque pas parce que tu as un regard d'amour sur nous et tu veilles sur chacune de nos voies. Tu ne sommeilles ni ne dors et tu veilles chaque jour à nos portes et dans nos vies afin que nous ne péchions pas contre toi. Nous t'en sommes reconnaissants pour cela, Père. Merci pour nos familles que tu gardes. Merci pour nos parts que tu gardes chaque fois. Nous prions, ô Dieu de gloire, que chaque part de grâce que nous marquons en ton nom, que tu sois, ô Dieu de gloire, le tenant et l'aboutissant de notre vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous recommandons, ô Dieu de gloire, nos lèvres et nos cœurs entre tes mains maintenant, notre entendement, afin que toi tu parles, tu inscris et tu graves cela dans notre esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les deux derniers enseignements, nous avons vu les dons et les appels. N'est-ce pas? Nous avons vu que les dons et les appels étaient prédestinés. Et que vous ne pouvez pas avoir le don de Dieu et aller vendre. On a vu beaucoup d'autres choses. Et l'une des choses particulièrement que nous avons vu au sortir de la deuxième partie, c'est que tous ne peuvent pas accomplir les miracles. Nous avons dit, et j'ai cité cela dans le livre de Marc, chapitre 16, le verset 17, le Seigneur Jésus a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est fondamental. C'est le groupe à qui c'est annoncé. Mais dans le groupe de tous ceux qui ont cru, ce n'est pas tous ceux-là qui doivent imposer, mais les malades seront guéris. Ce n'est pas tous qui vont prier que les malades soient guéris, les malades sont guéris. Souvenez-vous de cela, d'accord? Ce n'est pas tous les chrétiens qui peuvent marcher. Le fait qu'un chrétien met la main sur quelqu'un, il prie, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas chrétien ou qu'il n'est pas l'esprit. C'est que l'esprit qui est en toi ne te donne pas l'ordre de prier pour que quelqu'un soit guéri. Je recommence encore. Le fait que je mets la main sur ce frère-ci, je dis au nom de Jésus que je sois guéri et qu'il ne reçoive pas la guérison. Si je n'ai pas le don, la grâce pour le don de guérison, ça ne manifestera pas ça ne veut pas dire que je n'ai pas la foi pour cela. D'accord? Ça veut tout simplement dire que ce qu'on appelle en anglais « utterance of the Holy Spirit ». C'est-à-dire que la volonté du Saint-Esprit ne m'a pas été accordée pour cela. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Allons-y dans le livre des Actes des Apôtres. Commençons par là rapidement. Donc les femmes, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Mais souvenez-vous de ceci, vous. Il a été dit que vous connaissez maintenant votre position. Pour ceux qui ont décidé de se réformer, m'adresse aux femmes. Pour celles qui ont décidé de se réformer, en regardant, en corrigeant les endroits où Dieu leur a montré durant ce moment-ci, elles sont bien parties parce que le travail spirituel va commencer entre vous et Dieu. Beaucoup de révélations, Dieu va vous les donner. D'accord? Pour travailler avec vous. Pour les hommes, souvenez-vous de ceci. Le mois de décembre, particulièrement, ascension de jeunes pour le Cameroun. C'est pour le Cameroun dont il est question. Ces jeunes, c'est particulièrement pour le Cameroun. Pour le Cameroun. Donc, pour que l'Église, Dieu, en de réveiller des membres, des départs d'autres pour intercéder pour le pays. C'est parce que c'est chaud au-dessus là. J'ai dit quel livre déjà? Actes des Apôtres. Donc, prenons le chapitre 9. Donc vous les femmes, qui souhaitez. Et quoi que nous avons passé de bons moments dans la prière, dans le travail, n'est-ce pas les femmes? Je vais lire à partir du verset 31, du chapitre 9 des Actes des Apôtres. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ est guéri. Lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il s'éleva. Je vais d'abord m'arrêter là-bas. La Bible déclare que l'Église était en paix. Donc, les persécutions, si vous lisez depuis le chapitre 7, à la fin, lorsqu'on a lapidé le frère Étienne, les gens seront disposés de part et d'autre. Philippe va descendre au chapitre 8 dans Samarie pour aller prêcher l'Évangile. Il va prêcher l'Évangile. Donc, les chrétiens étaient en constant bouleversement et persécution et ils allaient de lieu en lieu. La Bible nous informe donc dans ce chapitre 9, verset 31, que l'apôtre Pierre visitait tous les saints. Ça, il passait de lieu en lieu. C'était pour regarder quel est leur état spirituel. Il vient donc là-bas, il trouve donc à Lydde un homme qui était couché sur un lit, malade depuis. La question c'est, vous me répondez maintenant, soit par oui ou par non. À Lydde, y avait-il des chrétiens? Oui. Voilà. Pourquoi Dieu n'a pas guéri cet homme aîné qui était dans la ville de Lydde avec les chrétiens qui étaient là? Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Juste parce qu'il a attendu que c'est l'apôtre Pierre qui vient, il dit Jésus-Christ est guéri. Jésus-Christ est guéri n'est pas une nouvelle phrase. Comme il a dit Jésus-Christ est guéri, en tant que ce qu'il a dit, va aussi prononcer à quelqu'un que Jésus-Christ est guéri, que la personne se lève, on voit. Parce que vous ne pouvez pas commander à l'autorité du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit ait ordonné. Vous cessez, n'est-ce pas? Donc, malgré que les dons spirituels sont prédestinés, il nous faut encore son OK pour avancer. Que vous ayez le don de guérison. Ça ne veut pas dire que vous allez prier pour tous les malades, mais elles seront guéries à votre gré. Que vous ayez le don de prophétie, vous ne pouvez pas regarder quelqu'un commencer à prophétiser, vous ne pouvez pas prophétiser à tout le monde. Parce que c'est selon sa volonté. La Bible déclare en Amos chapitre 3 que si le lion rugit, est-ce que le lion rugit, c'est à qui il y a la proie? Vous voyez, que si l'Éternel des armées parle, qui ne peut prophétiser, il faut qu'il parle d'abord pour qu'on puisse prophétiser. D'accord, frère? Donc, ne pensez pas que c'est pour ça que vous voyez les chrétiens, quand on est jeune chrétien, on croit peut-être qu'on va sauver tout le monde. Attendez, c'est pour un peu de temps. Quand tu vas aller quelque part, tu vas te dire, fous-moi ton cave de Jésus, tu vas aller rentrer pleurer, que mais Seigneur ne veut pas te comprendre. C'est là que tu vas commencer à comprendre doucement que c'est mes brebis qui entendent ma voix. Il n'a pas dit tout le monde entend sa voix. Mais c'est normal que tu te confrontes comme ça, parce que normalement, quand tu es sauvé, tu crois que c'est fait que mais, tout le monde est sauvé. Hey, et quand tu lis la Bible, tu ouvres Matthieu chapitre 28, tu crois que tu as lu ça seul. Que on enseigne à tous les créations qu'on fait tout le monde le disciple. Dieu a dit qu'on fait tout le monde le disciple, vraiment. Hein. S'il fait tout le monde le disciple, il va le faire. Et tout le monde ne serait pas ses disciples. Donc, toutes les nations, on n'avait pas dit toutes les nations, que chaque personne, 1, 2, 3, dans le Cameroun, il y a 22 000 personnes, il faut 22 000 personnes soient ses disciples. C'est pas ce qu'il a dit. Comme par dans toutes les nations, on choisit ses enfants là-bas. Vous voyez, tout à l'heure, quand il répondait aux questions, j'ai dit tout à l'heure que l'apôtre Paul a cité dans Romains chapitre 11, verset 25, il dit car une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Il n'a pas dit toutes les juifs sont tombés dans l'endurcissement, puisque l'apôtre Paul était juif. Tous les apôtres qu'il a choisis étaient des juifs. Donc Dieu leur a accordé la grâce de connaître qui il est pour qu'il soit comme échantillon pour annoncer la lumière aux nations. Vous savez, n'est-ce pas? Comme Ésaïe chapitre 48, 42 versets 6 et 8, il a dit. Alors, maintenant, ils seront les échantillons qui vont porter la lumière dans les nations. Maintenant, dans les nations, si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 13, le verset 48, la Bible déclare que quand il a parlé comme ça, les païens qui étaient là-bas en entendant cela se réjouissaient et ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Pas tous les païens avaient cru. L'apôtre Paul dit de lui-même que le Seigneur a appelé, l'a appelé pour qu'il amène les païens à l'obéissance de la foi. Si vous lisez Romains chapitre 1, le verset 4 et suivant. Qu'il a dit qu'on amène tous les païens. Prenons, mettez le doigt ici. Dans ce Actes des Apôtres chapitre 9, revenons, on va y revenir. Mais lisons ce qui vient de citer les Romains là. Lisons le chapitre 1 des Romains. Romains chapitre 1. Vous y avez moi. Bon, il vient à partir du verset 1. Normalement, les versets qui nous intéressent sont le verset 4 et le verset 5. Il dit rapidement à partir du verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Il a été mis à part pour annoncer l'évangile de qui? Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et qui concerne l'évangile. L'évangile concerne son fils né de la chair, non, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par qui nous avons, écoutez très attentivement, écoutez, par qui, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi certains païens. Tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Donc, quand vous lisez cela, ce sont les choses qui doivent vous frapper, vous devez vous retenir, vous devez vous arrêter là pour voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont eu la grâce et l'apostolat pour amener à la foi, à l'obéissance dans le nom de Jésus-Christ, il dit tous les païens. Alors, quand vous dites tous les païens, vous dites non, c'est pour ça que quand on lit la Bible, on dit, Matthieu chapitre 28, verset 19, dit que, il a dit allez, faire des nations, toutes les nations, les disciples. Et toutes les nations, qu'il en a dit, ça ne veut pas dire que tu pars encore au Cameroun, que tout le Cameroun se convertit au Seigneur. C'est parce que Dieu a dit, ça n'a jamais été dans la pensée de Dieu comme ça, parce que tous ne peuvent pas venir à lui. Tous ne sont pas de lui. Il a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas des chers bergers. Celles-là, il faut que je les amène. Ça montre qu'il y a plusieurs groupes. Vous voyez, dans Ésaïe 53, où on parle de sa prophétie, de sa mort là-bas, il dit que par le travail de son âme, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il n'a pas dit plus tous les hommes. Il justifiera beaucoup d'hommes. Quand on dit beaucoup, vous voyez, prenez Matthieu chapitre 26 et 27 et voir ce qu'il en est. D'accord? Lorsqu'il parle à la Seine, c'est là qu'il prend la coupe. Il dit que car cette coupe-ci, c'est la coupe de la nouvelle alliance qui est versée pour plusieurs. Il s'est versé pour plusieurs. Il n'a pas dit que c'est versé pour tout le monde entier. Il dit que cette coupe, lisons encore cela, vous me regardez comme ça, comme si c'est sur le film d'action. Et regardez chapitre 26. On disait, chapitre 26, levez les versets 27 et 28 de Matthieu. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour tout le monde entier pour la rémission des péchés. Pour? C'est ce que vous avez vu? Frère, souligné. Ça commence à choquer. C'est l'écriture. Oui, n'est-ce pas? Non, Jésus est mort pour tout le monde, vraiment. Hein? Écoutez, s'il est mort pour tout le monde, il a payé la dette de tout le monde, donc tout le monde entre forcément. Alors l'apôtre Paul dit ici dans ses Romains chapitre 1, c'est ici qu'on prêche, ça choque. Les gens ont comme impression que c'est le blasphème parce qu'on a été habitué à. Lorsqu'on flatte que les gens viennent, on croit que les gens viennent comme ça. Je dis toujours que quand vous allez à l'école, vous entendez qu'il y a les établissements comme au Cameroun ici, il y avait des trans partout. Quand vous avez votre enfant dans un établissement, on dit que l'établissement, il y a des trans. Quand vous venez là-bas, les enfants sont au sol. Quand vous regardez, vous regardez qui? Vous regardez quoi? Quand vous le voyez, si vous avez un enfant que vous prenez, vous regardez encore le reste? C'est ce que Jésus est venu faire. Ça peut choquer, mais c'est vrai. Quand vous lisez dans ce Ésaïe chapitre 25 et 26, on dit que les cantiques des rachetés, qu'ainsi chantent les rachetés, n'est pas dit qu'ainsi chantent tout le monde, c'est les rachetés. C'est choquant, n'est-ce pas? Il dit qu'il nous a donné la grâce de l'apostolat afin que nous abusions à la foi par son nom. Il dit tous les païens. Alors si c'est tous les païens qui sont censés amener, l'apôtre Paul est le premier échec. Il a d'abord échoué sa mission parce que même Festus n'a même pu amener Festus, pas vrai? Alors, dans ces Romains chapitre 11, dans le verset 25, il dit que car une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Il dit la totalité, il n'a pas dit tous les païens, la totalité des païens, donc ceux des nations qui étaient destinés à entrer. Tout le nombre va entrer. Aucun, aucune des personnes ne restera dehors. Il dit alors, il va se retourner dans vers cela. Rentrons dans Actes chapitre 19, Actes chapitre 9 que nous avons lu là. Donc nous sommes en train de dire ceci. Voici l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre qui parcourt dans tous les territoires où ils avaient annoncé l'évangile pour regarder l'état des saints parce qu'il y avait à calmer maintenant, il n'y a plus de persécution. Il fallait qu'il voie ici l'évangile qu'il a prêché, quoi, la doctrine a été maintenue, que les frères sont dans un bon état. Alors il arrive là-bas, il voit un homme qui est alité depuis des années, il est malade. Il dit, aîné, lève-toi, Jésus-Christ est guéri. La Bible déclare qu'il se lève. La question qui se pose c'est, est-ce qu'à Lydde se trouvaient des malades, des chrétiens? La question c'est, pourquoi l'apôtre Paul a dû venir jusqu'à là-bas seul pour le faire? Où est-ce que tu es en train d'aller? Je suis en train de dire que le fait que tu sois chrétien ne te donne pas le droit que tu vas exercer tous les dons. Vous suivez, frère? Et l'autre chose, c'est que même si tu as ces dons-là, vous n'avez pas. Enfin, nous avons vu l'apôtre Paul ici avec son partenaire, Trophime. Il dit, j'ai laissé Trophime à Milet comment? Malade. Vous pensez que c'est normal? Vous pensez que c'est normal? Mais que dit le chrétien d'aujourd'hui? C'est pas normal que la maladie habite dans votre corps. Donc Trophime n'était pas un chrétien. Si la maladie habite dans votre corps, vous n'avez pas la révélation de qui vous êtes. Donc l'apôtre Paul ne connaissait pas. Donc l'apôtre Paul, il dit que j'ai laissé Trophime à Milet malade. Quand il laisse Trophime à Milet malade, il ne dit pas que Trophime, tu ne connais pas que Jésus-Christ t'a guéri. Réclame ta guérison au nom de Jésus-Christ. Tu finis de réclamer, quand tu finis, tu bavas, tu te fatigues, tu te tais, la maladie est là. Il dit bien, je veux seulement que vous voyez que le christianisme moderne face à l'authenticité des chrétiens d'antan. Les chrétiens d'antan diffèrent de nous parce qu'eux, ils marchaient dans la volonté parfaite du Seigneur. Et donc, le Saint-Esprit pouvait les conduire. Mais aujourd'hui, nous sommes conduits par un bande d'ecclésiastiques qui ont été formés dans les centres des fous. On les fait comme ça pour qu'ils viennent faire que tout le monde soit fou. Et vous savez, dans ce livre de Job, chapitre 11, la Bible déclare que l'intelligence de l'homme, c'est la folie. Donc, les hommes sont fous. Quand ils sont quand ils disent qu'ils sont sages, là, c'est la folie pour eux. Quand vous voyez un fou, vous avez vu un fou dire que je suis fou. Quand il agit, il se baisse là-bas, il travaille là-bas, il baisse là-bas. C'est normal pour lui. Donc, l'homme pense effectivement que comme il a vu Jésus qui se guérit, tout le monde va guérir. Même Jésus lui-même a vu son ami malade. Il a vu la fièvre comme ça, là, il a quitté les lieux pour que le gars meure. C'est un bon ami, ça, frère. Vous pensez que c'est un bon ami là-bas? Jusqu'à ce qu'il est venu, sa soeur lui meurt. Que si tu étais ici, c'est que mon frère ne serait pas mort. Vous voyez? Et il s'est éloigné pour que le maladie traite le bien. Maladie traite le bien. C'est ça le Seigneur Jésus. Il vient et trouve les gens dans ces gens, chapitre 5, comme nous avons lu la dernière fois. Et des gens sont. Et on dit des malades en grand nombre. Et c'est lui l'auteur des guérisons. Il passe au milieu, il guérit une personne, il passe, il paye, il laisse les autres. C'est normal, frère? C'est normal? La Bible déclare qu'il est en haut. S'il arrête, qu'il lui dira qu'il fera comme qu'il fait comme ça là. S'il te traîne l'injustice, qui contestera? Donc il est Dieu, il est souverain. Mais alors, nous aujourd'hui, nous aimons tellement les êtres humains plus que Dieu au point où nous voulons éradiquer la pauvreté. C'est pour ça qu'il y a l'onction dans les prospérités au milieu de l'église. On dit que reçois ton miracle au nom de Jésus. C'est lui qui distribue les miracles, non? Ok, accepte ça que Dieu arrache. Arrache, tu sors, ça marche, on voit. Vous sortez, c'est encore des problèmes qui s'accentuent. Enfin, si vous êtes du côté de Dieu, il va vous accentuer les problèmes parce que vous, pour t'attirer à l'attention, pour qu'on comprenne que c'est lui qui est Seigneur et Sauveur. D'accord? Vous entendez un pasteur dire que non, je suis fatigué des pasteurs, des chrétiens qui sont pauvres. Vous voyez, même votre type d'habillement montre que tu vous êtes déterminé à lutter contre la pauvreté. Si tu portes la veste, tu n'as pas 100 francs, ce n'est pas la souillure que tu cherches comme ça. Hein, frère? Souvenez-vous, vous êtes chrétien, vous êtes béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La chose qui reste à faire, c'est de marcher dans l'obéissance. Marcher dans l'obéissance. Le reste, tout cela fait. Donc, il ne s'agit pas à crier. Vous ne verrez nulle part personne dans la Bible ici qui est confessé qu'il ait été riche avant que la richesse soit venue. Non, non, non. Job n'a jamais crié qu'il est riche avant qu'il est riche. En fait, Abraham n'a jamais, jamais considéré comme riche. C'est nous qu'on donne le renseignement qu'il avait plus de 300 personnes dans la ville qu'il nourrissait. Les pasteurs qui font ça donnent 5 francs à quelqu'un. Ils nous disent seulement qu'ils ont le billet d'avion, les jets privés et autres là-bas. C'est vraiment dit ici. Les dons spirituels qui sont donnés sont correspondants à une position dans le corps. Pour ce qui est des chrétiens, les dons spirituels sont donnés proportionnellement ou bien correspondant à une place dans le corps pour exercer en vue de l'utilité commune. Et donc là, personne ne peut usurper un don. Personne ne peut occuper une place qui n'est pas sienne. Si vous tentez cela, donc c'est l'imitation. Et si vous imitez, vous êtes en train de tenter Satan. Si vous imitez, vous êtes en train de tenter Satan. Vous vous retrouvez clairement dans Actes chapitre 19, verset 13, nous avons lu les sept fils de Sceva. Donc si vous tentez d'aller faire quelque chose au nom de Jésus qui soit guéri, alors que vous n'avez pas été appelé, vous êtes le huitième fils d'Esqueva. Si tu es dans la famille des souverains sacrificateurs, Esqueva là maintenant. Alors, lorsque l'apôtre Pierre arrive là-bas, il voit Aîné, il dit, Aîné, Jésus-Christ t'est guéri. Lève-toi et prends ton lit. Il se lève automatiquement. Vous voyez que il y avait des chrétiens. Enfin, continuons ce verset-là, il y a quelque chose encore là, la suite. Regardez. Tous les habitants de Lydie et du Saron le virent et il se convertit au Seigneur. Vous avez vu la prédication qu'il a entrée à Lydie, ce qu'il a fait? La guérison a amené la conversion des gens parce que Dieu avait un but pour cela. Il a gardé celui-ci malade pour que lorsqu'il sera converti, c'est-à-dire qu'il a prévu que cette personne soit malade à l'extérieur au point où les habitants seront témoins de sa maladie. Les habitants maintenant seront témoins de sa guérison. Ils vont comprendre que Dieu seul qui peut avoir fait ces choses-ci. C'est ça qu'il dit la dernière fois que les miracles que Dieu opère dans la Bible ne sont pas pour le spectacle, mais ont un but pour attirer ceux de la maison, qui sont dans la maison pour entrer et proclamer le jugement sur les autres qui vont contester. C'est pour cela. C'est Satan qui fait avec sa puissance à lui la prédigitation. Il fait la magie seulement pour avoir de l'argent et avoir les âmes. Il donne l'argent à celui qui l'utilise pour faire cette magie et les âmes qui observent cette magie-là sont entrées du côté de Satan. Mais le but du Seigneur Jésus-Christ d'opérer les miracles, c'est pour confirmer sa parole, confirmer son serviteur et faire entrer les gens qui sont censés venir. Vous me suivez, frère? Donc, la Bible déclare que tous les habitants du Saron et de Lydie virent ce qui est arrivé, crut au Seigneur, tous les habitants, à cause d'un miracle qui a été opéré. Donc, même si cet homme-ci priait que Seigneur, guéris-moi, Dieu avait un but parce que sa guérison est faite pour l'évangélisation. Alors, quand tu as une situation, vous dites, il ne faut pas que la maladie soit pour lui, le chrétien. Il ne faut pas que la maladie soit au milieu du chrétien. Si Dieu veut donc que tu sois malade, pour que lorsqu'il va te guérir, que la famille croit pour se convertir. Mais toi, tu dis que Seigneur, sauve ma famille. Et toi, tu mets la façon qui va sauver. Il faut qu'il parle prêcher qui croit. L'évangile a montré que quand tu crois dans ta famille, quand tu vas prêcher, on te gifle seulement. Dans ces choses-ci, il faut que Dieu fait tourner le cœur pour que les gens puissent comprendre. C'est la façon qu'il fait les choses ainsi. Regardez le suivant encore. Verset 36. Il y avait à Joppé parmi les. Souligné parmi les disciples. Non, chez les disciples, c'est Jésus-Christ. Oh, prends autorité. Je prends autorité sur tout esprit. Tu prends autorité. Prends exerce à l'envoi. Je prends autorité. Si vous voulez rester dans votre maison, vous mettez au miroir, vous posez votre tenue des policiers. Vous mettez regardez au miroir. Sors, va dans la ville, va exercer l'autorité là, on voit. C'est ce que les chrétiens font aujourd'hui. Hein? Vous achetez les jouets les fusils qui les jouets des enfants, les fusils, vous mettez ici, vous allez au miroir, dites que je suis policier. Vous allez bien policier en train de faire comme ça là. Hein frère? Un policier n'a même pas le temps. Il prend la ceinture, mais là-bas, il en est sorti. C'est toi qui vas le policier, tu en es volé, tu fuis que. Alors police, pas vrai? Parce que tu sais qu'il a l'autorité. Mais les chrétiens aujourd'hui se cachent plutôt dans la chambre. Que je suis policier. Je suis policier. Sors, on va faire ça dehors. Tu vas voir le vrai policier, toi-même tu vas commencer à fuir. C'est ce qu'on fait, pas vrai? Je suis la lumière. Vous riez pourquoi? C'est pas ça. Hein? Quand on reste dans les cadres, on dit que je suis la lumière du monde. Après, tu vois, il sort, il dit à un païen que pardon, tu as 100 francs là. Tu vois. C'est pas lui qui a demandé tout à l'heure qu'il était en haut, il était en tête, il était en haut. Le pasteur lui-même qui te dit qu'il met la main dans la poche, je dis que je suis un grand islam, il a prêté l'argent parce que la banque va venir salir sa maison. Après qu'après l'argent, il s'est fait vanter qu'il est comme ça. Bon, continuons ici. Il dit, verset 36, il y avait à Joppé parmi les disciples, vous avez souligné parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Donc, vous voyez que le Saint-Esprit témoigne que cette femme-ci ne vivait pas dans la volupté. N'est-ce pas? Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Non, on ne parle pas qu'elle est morte. On dit qu'elle est tombée malade. Donc les disciples peuvent tomber malade. Et jusqu'à même mourir. Ce n'est pas une fatalité. Vous voyez cela? Mais je vous avais dit que quand un disciple du Seigneur Jésus-Christ tombe malade, sa maladie, vous pouvez être identique. Mondain et mondain. Vous êtes couché dans un même lieu d'hôpital. L'autre a la fièvre. Les deux ont la fièvre. La fièvre du chrétien est christianisée. Même quand un chrétien a les flashs, il touche. Quand il fait, tu dis, ça fait gloire à Dieu. Mais il dit que chaque fois qu'on dit tout ça, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est gloire à Dieu que ça dit. Alors quand le monde est comme ça, je suis sans espérance, je peux mourir à tout moment. La maladie du chrétien n'est pas identique à la maladie des non-chrétiens. Parce qu'à tout moment, enfin, tout c'est sous le contrôle du Seigneur. Parce que la Bible déclare que. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, c'est sous son contrôle. Quand c'est sous son contrôle, ça veut dire que Dieu a les regards sur ça. Autrement dit, tu n'es pas malade pour lui. Vous voyez, cet aîné, ce qui était malade, il pouvait croire qu'il était malade. Mais lorsque Dieu opère, ça donne de la réjouissance au cœur de Dieu, aux anges dans les cieux, la festivité au ciel à cause d'une guérison qui se passe sur la terre. Parce que les gens, on dit qu'une seule âme qui se répand sur la terre, il y a la festivité. Mais tout un village, imaginez donc. Je crois que c'est 4 siècles des chants qu'on va chanter là-bas à cause de la guérison de Aîné. Donc Aîné a été un grand porte. Puisque quand la Bible déclare que quand on a ressuscité Lazare, quand les gens venaient à Jérusalem dans Jean chapitre 12 pour voir le Seigneur qui a ressuscité, on cherchait aussi Lazare. On regarde comme ça que le gars c'était mort. Dans la mort, c'est comment? Quand tu meurs, c'est comment? Les gens voulaient voir. Et quand on voulait voir Lazare, quand on voyait ça, ça donnait gloire à Dieu. Les gens qui étaient fâchés aussi disaient qu'il faut qu'on. On finit de tuer Jésus, là, tuer le type, on va encore voir s'il va se réveiller. Donc on voulait tuer en même temps le Seigneur, en même temps la personne qui était mort et ressuscité. Alors la Bible déclare donc qu'il y avait donc parmi les disciples à Joppé une femme nommée Tabitha, c'est-à-dire Dorcas, qui signifie bonne œuvre. Il pratiquait les bonnes œuvres et les aumônes. On dit qu'elle était parmi, c'est pour ça qu'elle dit parmi. Donc c'était une disciple. Elle tomba, en ce temps-là, elle tomba malade et mourut. La question que je pose là, c'est ici. Il y avait les disciples, Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Et quand la Bible dit ce sont des disciples, ce sont les disciples. Donc, nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc, ils ont exactement reçu la parole. Ils ont cru. Ils ont été bien enseignés. Mais un disciple parmi eux est tombé malade. Ils n'ont pas pu prier pour qu'elle guérisse, mais qu'elle allait jusqu'à la mort de sa maladie. Ça, c'est parmi les chrétiens. Ah, vrai, frère? Elle est tombée malade et mourut. Maintenant, regardez bien. On dit. Verset 37. Elle tomba malade et en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, vous avez vu ça, hein? Ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Vous avez vu ça? Qu'est-ce que ceci nous enseigne? Ceci nous enseigne qu'il faut que chacun reconnaisse sa place et qu'on reconnaisse la grâce sur la vie de chacune des personnes. Que tu reconnaisses que si tu n'as pas reçu la grâce des connaissances des Écritures, si quelqu'un te pose la question, dis je ne connais pas, va voir telle personne. C'est ça l'humilité. N'essaie pas de te confronter en disant qu'il croit que lui seul il connaît. C'est que je trouve exactement comme Corée. C'est la position de Corée. Toutes ces choses sont écrites dans l'Ancien Testament pour vous montrer que faites attention. Quand, si vous avez été dans le territoire, dans la tribu de David, vous dites. Je peux faire la cérémonie là, regarde, Eléazar, elle lève la main, elle est plus haute que l'autre. Il agit d'abord à gauche, à droite, alors qu'on a dit à droite, à gauche. Si Eléazar fait ça, il fait la faute, Dieu va le corriger, mais il est quand même dans la sacrificature. Tu, toi, qui es dans le livre de, tu es dans la tribu de Judas, tu viens là-bas en disant que je peux faire mieux que lui. Tu n'es pas chez les Aaroniques, donc tu es exclu dès le départ. Tu viens là-bas, c'est le feu qui va te brûler, malgré que tu sais faire cela. Parce que Dieu sait pourquoi il a choisi, pas vrai? Donc les insuffisances de quelqu'un dans un ministère ne veut pas se dire son incapacité à exercer ce ministère. Vous voyez, les insuffisances de quelqu'un dans un ministère ne veut pas tout dire qu'il est incapable d'exercer le ministère, mais c'est pour dire qu'il y a la complétude quelque part d'autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Le fait que ce doigt, ce que je veux dire en clair, c'est que le fait que ce doigt-ci à cette taille-ci ne veut pas dire que ce n'est pas le doigt où il ne peut pas faire le travail. Ça veut dire seulement dire que ce qui manque ici, c'est complet quelque part. C'est ce que ça veut dire. Ce qui manque quelque part, le Seigneur nous dit dans ce livre de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18 et suivant, que Dieu a placé dans le membre chaque corps comme il a voulu. Et comme il a voulu, et même les membres de notre corps que nous jugeons moins nécessaires sont entourés de plus grands soins. Dieu a voulu ainsi afin que les uns aient le soin les uns les autres. C'est de telle enseigne que l'un aura besoin de la main. Pas vrai? Attacher la main comme ça et que les insectes entrent dans les yeux, vous allez voir. Tu vas prier que Dieu merci, Dieu délivre la main, c'est que la main va faire son travail. Vous avez la roulé sur la moto, mais à l'eau champ, il y a un essai qui entre dans vos yeux quand ça rentre, ça sécrète une substance. C'est que si ton doigt et ton œil sont en problème, à cet instant-là, la réconciliation a lieu. Il résout d'abord le problème avant de dire, voir ce qu'il en est comme problème. Amen. Et quand le doigt va venir, le doigt va seulement venir comme ça, enlever, quand il enlève comme ça, ah, vous voyez comment tout le corps est satisfait. Amen. Pas vrai? Dis à ton voisin, pas de problème au milieu chrétien. Amen. Voilà. Alors donc, l'insuffisance de quelqu'un dans un ministère ne signifie pas que la personne est incapable d'exercer le ministère, mais il exerce tout simplement à la limite que Dieu lui a assignée. Et ça montre donc que la complétude se trouve quelque part. Parce que cette personne se suffit dans le ministère, dans le don, il n'aura plus besoin d'autres personnes. Alors, je suis faible pour que là où tu es fort, tu me soutiennes. Là où tu es faible, quelqu'un d'autre a ton soutien. C'est ça, frère. C'est pour ça que quand vous marchez, vous glissez. Quand vous glissez, vous voulez tomber, vous voyez effectivement que toutes les parties du corps viennent au secours pour que vous n'arrivez pas au sol. Ou bien que vous limitez les dégâts. Pas vrai? Imagine par exemple que la main est têtue, tu glisses comme ça, là, vous pas devant. Tu dis que la tête là, que tu vas comprendre. Vous savez comment tu vas atterrir au sol, non? sont ton copolio qui va frapper au sol. Quand le copolio frappe au sol, demain c'est toujours la main qui va aller là-bas pour mettre la bande. Pas vrai? Donc, point de discorde dans le corps. D'accord, mes frères? Alors, donc, voici donc l'idée qui est à côté de Jopé. Une des disciples tombe malade. Par quelle est fautive? Le Saint-Esprit veut vous montrer ici que ça n'a pas été introduit. La maladie n'a pas été introduite par le péché ni par une désobéissance. Donc, on a donné son carte, sa catégorie spirituelle comme une femme de aux bonnes œuvres. C'est ce que le Saint-Esprit demande à ces femmes-là qui font profession de servir Dieu. Donc, c'était une femme. Elle cousait même les habits. Donc, elle n'est pas allée dans l'école de Mary Queen pour coudre les habits sexy. C'est qu'on pourrait dire que c'est à cause de ses habits sexy qu'elle cousait, qui a amené son péché. Elle cousait les habits. Les grands habits pour les disciples. Alors, lorsqu'elle tombe malade, la question que je pose, c'est ceci. Pourquoi les disciples n'ont pas dit que réunissons, nous prions pour chasser cette maladie? C'est aller jusqu'à la mort. On a des grands enseignements là-bas, pas vrai? Donc, l'apôtre Pierre avait l'un des dons de guérison qui s'est manifesté à ce moment-là. Que ce soit à Jopé, à Lydde ou à chez Corneille, il fallait qu'il soit présent. On ne peut pas imiter cela, frère. Il faut reconnaître la grâce de Dieu qu'il a donnée à quelqu'un. Allons-y dans le livre de 1 Pierre, voilà. Vous devez reconnaître cela. Donc, si quelqu'un te dit, pose une question, que mais Hébreux chapitre 6 dit quoi? Mais on dit qu'il y a la prédestination, que quelqu'un est sauvé, il est sauvé pour toujours. Pourquoi Hébreux chapitre 6 dit que lorsqu'une terre de ceci tombe, il ne peut plus arriver à la repentance. N'essaie pas d'aller concasser ton cerveau si tu ne connais pas. Ne dis pas parce que tout le paroles que tu vas dire de la parole, tu vas t'amener en jugement sur cela. Il a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de grands nombres d'enseignants. Parce que vous savez comment on sera jugé plus sévèrement. On n'a pas dit de cela, des dons de guérison, ni des dons de prophétie, ni des dons de ceci. Pour les enseignants, on a dit ça. Parce que l'enseignement, pas ton enseignement, tu peux sauver des âmes. Comment on peut déconstruire? Il y a des impies, n'est-ce pas? Regardez. Chapitre 4. Notez le verset 1 à 19. Vous avez noté? Notez également le chapitre 2, verset 11 à 17. Notez aussi le chapitre 1. Verset 1 à 22. Le premier passage que vous avez donné, c'est quoi? Ok, donc lisons le verset 10 seulement là-bas. Regardez. Le verset 10 du chapitre 4, d'accord. Je vous ai donné en premier lieu le chapitre 4, n'est-ce pas, verset 1 à 19. Et regardez le verset 10. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Vous avez suivi ça, hein? Regarde ton frère ou bien ta soeur à côté de toi. Tu dis, qu'est-ce que tu as reçu du Seigneur? Et dans 1 Pierre au chapitre 4, le verset 10. Vous n'avez pas vu cela, frère? Lisons cela. Nous sommes dans la troisième partie des dons et des appels. C'est ça dont je voulais voir. Donc, il faut que chaque personne identifie ce pourquoi il est fort, ce à quoi il a été appelé, quelle est la grâce qu'il a reçue du Seigneur. Si vous recevez du Seigneur une grâce, ne sortez pas hors de cette grâce pour aller faire autre chose. C'est que Dieu ne vous soutiendra pas. Il ne sera pas avec vous parce qu'il ne vous a pas ordonné là-bas. Par exemple, si vous n'avez pas reçu le don de puissance pour chasser les démons, si vous voyez quelqu'un qui est possédé, ne vous aventurez pas à dire au nom de Jésus, je te commande de chasser car j'ai reçu autorité sur toi. Tu n'as pas reçu autorité sur lui. Je vais redire ça pour que ça soit un peu plus clair. Si vous n'avez pas reçu le don de puissance pour chasser un démon, pour expulser un démon d'un corps en un à un, ne vous aventurez pas pour étendre la main pour celui que je te commande au nom de Jésus de sortir de ce corps. Parce que j'ai autorité sur toi. Tu n'as pas autorité, tu ne peux pas le faire. Et si tu le fais, tu es en mission en territoire ennemi sans âme. Si la personne a le diabète, c'est le diabète que ce démon est censé lancer, ça peut te lancer le diabète. Avec toute son autorité et droit devant le Seigneur, cet esprit-là. Cet esprit-là, on peut réclamer devant le Seigneur que tu es. Donc tu es son serviteur, il te donne le diabète, il te donne le diabète. Il va encore enregistrer doucement, vous comprenez. Je viens vers quelqu'un, il dit au nom de Jésus. Et le démon qui est à l'intérieur est censé lui donner l'obésité ou bien la diabète ou bien la leucémie. Je n'ai pas le droit de le faire, je n'ai pas reçu le don, le mandat. Quand on parle de le mandat, quand les gens me disent chaque fois que j'ai reçu le mandat. Vous savez ce qu'on appelle mandat? Dans la Bible ici là, ce qu'on appelle mandat. Pour que tu reçois ce mandat, il faut que tu aies reçu cette rencontre un à un. Recevoir le mandat ne veut pas dire que tu lis, tu as la connaissance de la parole, tu dis maintenant, il sait que telle chose, 1 plus 1 c'est 2, la parole dit telle chose, la salut c'est ceci, la nouvelle naissance c'est ceci, tu crois maintenant que je peux aller prêcher cela. Tu peux avoir connu tout cela, Dieu te dit que ferme ta soupape. Il dit bien, le fait de savoir que la parole dit telle chose, ça ne veut pas dire que Dieu t'a dit que va faire quelque chose. Quand il est venu sur la terre, sur le roi Oséas, quand il s'est révélé à Ésaïe, Ésaïe était là, il prophétisait, c'était un prophète, jusqu'à ce que Dieu vienne le révéler à cette statue des prophètes majeurs. Dieu remarquait bien quand il a vu le Seigneur, il a dit, ah, je suis fini là, maintenant je suis mort parce que j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres iniques et moi-même je suis dans l'iniquité. Quand le Saint-Séraphin allait prendre avec le pinceau, venir mettre ses charbons de feu là sur ses lèvres, il dit, maintenant ceci a touché à tes lèvres, ton iniquité a été expiée. Quand il a dit ça, quand l'iniquité a été expiée, le Seigneur a dit, qui enverrai-je, qui marchera pour nous et nous? Il a dit, mais voici Seigneur, envoie-moi. Il a dit, ok, il dit, va, dis à Israël. Ouais, la commission est donnée, il a l'autorité. Tu ne peux pas sortir à une école de théologie par suite que les gens t'ont imposé la main, verser l'huile sur toi et porter des habits blancs comme vous avez dit, vous dites que vous avez reçu le tuto du Seigneur. Que les êtres humains soient d'accord en citant même la Bible, comme ils ont dit que si Dieu d'entre vous s'accorde sur la terre pour réclamer quoi que ce soit, il sera donné. Alors, ça veut dire qu'il peut décider que celle-ci maintenant est prophétesse. Je proclame quoi? Soyons d'accord qu'elle soit prophétesse. On vous dit, maman, tu es prophétesse au nom de Jésus, nous sommes d'accord. Soyez d'accord. Le d'accord là, c'est d'abord un avec l'esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul ne pouvait pas dire qu'on le livre à Satan pour la direction du corps sans que le Saint-Esprit soit d'abord d'accord. C'est pour ça qu'il dit que vous et moi, étant unis par la puissance du Saint-Esprit, il est, vous voyez, Saint-Esprit est d'accord. Livrez-le au Satan. Vous voyez ça, frère? Donc, une réunion des groupuscules des satanistes sur la terre qui prennent le nom de Jésus-Christ, ça ne fera jamais que Jésus-Christ vient à votre rencontre. Jamais. Parce qu'il connaît la cupidité et les motivations qui sont sur le cœur. C'est ici, n'est-ce pas? Alors, je dis ceci. Si je n'ai pas reçu mandat et autorité dans le nom précieux, le nom puissant, le nom magnifique, le nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ, pour dire je t'ordonne de sortir, ne vous aventurez pas, vous êtes en mission dangereuse. Vous êtes le huitième fils de Sceva. Beaucoup de personnes ont fait cela comme ça, il y a la répercussion dans leur famille, ils ne savent pas. Vous allez voir les pasteurs qui ont les pieds qui gonflent, qui enflent, des blessures interminables, des douleurs bizarres, parce qu'ils sont allés s'aventurer dans un territoire sans savoir de quoi il est question. Toutes ces zones-là de leur corps, c'est les démons qui y habitent. Vous faites, quand il se fâche, il entre plus dedans toi, sachant qu'il va entrer dans toi, maintenant il va faire la mission maintenant sur les chrétiens. Vous allez maintenant, c'est déjà le passé, je vous impose les mains, il distribue encore cette maladie-là sur vous. Alors, ici, il dit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, il dit comme les bons dispensateurs des différentes grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. La question maintenant, c'est qu'as-tu? Demande cette question-là à ton voisin. Demande encore à quelqu'un, qu'as-tu reçu? Alors, si vous n'avez reçu rien, franchement, vous êtes un étranger. Ça veut dire qu'on est les bons dispensateurs des diverses grâces. Il y a diverses grâces chez Dieu. Mais la grâce que les gens qui est le plus en vue, c'est prophète, prophétesse, prophète. Pas vrai? Il dit quoi, c'est ça? C'est les missions les plus dangereuses. Parce que, souvenez-vous, vous dites, oh, nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta voiture, reçois ta voiture. Si vous êtes envoyé par Satan, il ne vous dérangera pas. Il va envoyer des petits esprits, il va que voilà, quand on fait, tu tombes, ça c'est autre chose. Mais si tu es chez Dieu et tu veux imiter Satan, tu dis qu'au nom de Jésus-Christ, parce que tu allais voir les prophètes ou bien les pasteurs de faire, tu veux aussi faire comme ça. Tu as quitté le territoire de la grâce. Tu as quitté le territoire de la grâce. Autrement dit, tu as débordé les limites. Et quand la dernière fois nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 12, chapitre 10, n'est-ce pas? Où l'apôtre Paul dit que nous ne franchissons pas notre limite, n'est-ce pas? Donc chacun a une limite, un territoire assigné. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai dit que lorsque vous avez reçu une grâce du Seigneur, un ministère avec un don, tout autour de cela, de tout ce qui va tourner autour de ce don-là est prédestiné. Les gens que tu es censé rencontrer, c'est pour une prédication. Les gens à qui tu vas prêcher ou la prédication va les amener, ils seront là, ils vont entendre. Même s'ils sont n'importe où, ils vont toucher. D'accord. Si c'est pour le don de guérison, un don de guérison que Dieu te donne, un don de guérison, parce qu'il y en a plusieurs styles de don de guérison. Il y a des gens qui auront le don de guérison pour guérir les maladies les plus difficiles, les cancers ou autres, autre là-bas, la leucémie ou autre là-bas. Mais tu viens avec le mur de tête, il prie, il crie, ça t'a pas bien, le mur de tête ne finit pas. Vous dites, qu'est-ce qui se passe? Peut-être j'ai le péché, peut-être même pas le péché. C'est qu'il y a un don de guérison, un style de don de guérison qui va. C'est un peu comme mes frères, je ne sais pas si vous pouvez comprendre ça. Vous allez à l'hôpital, celui qui soigne les dents, pas celui qui soigne les nerfs. Alors, dans l'hôpital, si vous allez quelque part là, vous voyez, on vous met sur le lit comme ça, vous entendez cran, on va vous mettre le. C'est que quand on pompe de votre visage, là, puis vous dormez là, c'est qui? C'est quoi là, l'anesthésie? On va vous anesthésier. Puis vous voyez quelqu'un sort pour m'avoir la blouse. Vous voyez que c'est Samuel, tu avais un long sillon, ça. Même l'anesthésie, vous allez quitter sur l'anesthésie, pas vrai? Si vous voyez le Samuel Eto'o porter la blouse comme ça, il entre là-bas comme ça, là, avec les ciseaux. Il fait, vous savez quand les médecins font chaque fois, papa, ils vous regardent des beaux sur le lit comme ça. Là. Il fait les serins en haut comme ça, pour ça, l'os jaillit un peu en haut là-bas. Tu vas dire que médecin à l'aide ici. Alors, pourquoi par réflexe vous le faites, frère? Vous savez que celui-ci n'est pas qualifié. Alors, il n'est pas qualifié à le faire, ça se fait, il n'est pas qualifié à être dans ce domaine. Mais si s'il s'agit de football, vous le mérez le voir là-bas parce que c'est son appel là-bas. Son appel, c'est là, ces zones-là. C'est pas ça, frère. C'est ainsi dans le corps du Seigneur. La même, c'est quand même terrible. Si on lit l'explication qui a été donnée dans 1 Corinthiens chapitre 12, et dans Romains, notez Romains chapitre 12, on va y arriver maintenant. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, si vous lisez ce qui est écrit, alors on ne devrait pas avoir de discussion. La Bible déclare donc que dans 1 Corinthiens chapitre 12, il a pris le corps humain comme une explication du corps de Christ. Est-ce que, frère, le pied a une même fonction que la main? Est-ce que les yeux ont une même fonction que les oreilles? Est-ce qu'il y a deux choses sur votre corps qui ont la même fonction? Vous avez vu quelqu'un manger avec le nez? Vous avez vu quelqu'un comment? Vous avez vu quelqu'un à essayer d'écouter avec la bouche? On dit que bonjour monsieur, pour écouter. Ah, vous avez quelqu'un essayer de parler avec les oreilles? Que vous avez quelque chose ne va pas vrai? Alors chaque chose dans le corps a sa fonction. Ainsi, comme il a dit dans 1 Corinthiens 1 Pierre chapitre 4, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Donc si tu appartiens au Seigneur, tu as reçu la grâce d'avoir une chose. Il y a des gens qui même sans savoir, quoi que la prochaine séance, ce sera de comment identifier la grâce et le don que tu as reçu. D'accord? Ce sera l'une des choses, parce que c'est l'une des choses qu'il faut qu'on enseigne. Vous pouvez recevoir des grâces de Dieu sans vous en rendre compte. Un peu comme par exemple l'enfant, comme cet enfant-ci, il ne sait pas à quoi peut-être sa main sert. Mais il y a des choses naturelles que vous savez, que Jésus est Seigneur. C'est comme cet enfant, c'est quand tout à l'heure qu'on va donner la bouillie là-bas, vous ne lui dites pas que met dans les yeux. Pas vrai, frère? Vous avez vu l'enfant se prendre la bouillie, mettre pas ici. Même quand c'est le piment, quand elle a goûté le piment une fois, quand elle voit ça, quand c'est rouge. Tu veux dire, tu dis, maman, parce qu'il sait que l'autre là, ça chauffe. Il ne prend pas la bouille, mais dans son nez, ni dans ses yeux. C'est ici que ça passe. Donc il y a des choses fondamentales que même si tu es petit chrétien, tu connais. D'accord? Mais lorsqu'il y a des choses de solides maintenant, par rapport à l'utilité de sa main, de ses oreilles, ou de ses faits qu'il ne faut pas mettre les choses pointues dans les oreilles, il ne sait pas ces choses. Il faut que l'enseignement veuille lui dire que cette chose pointue, je ne mets pas ici. Vous voyez? Donc là, on va toucher dans la prochaine séance, Dieu voulant. On va toucher maintenant comment identifier et savoir les grâces que tu as données, que Dieu t'a données. Maintenant, vous allez remarquer que dans la Bible, il y a un monsieur qu'on appelle Barnabas, fils d'exhortation. C'est un apôtre qui a reçu une grâce particulière d'encourager. Lorsque les autres prêchaient, lui, il passait. Il venait chaque fois encourager seulement les gens, de tenir ferme dans la grâce qu'ils ont. Est-ce que c'est ses frères? Donc il y a des gens à qui Dieu a donné la grâce seulement de pouvoir réconforter. Quand vous avez des problèmes, vous sentez comment le Saint-Esprit vous pousse vers cette personne. Quand la personne vient, après quand vous êtes étonné, vous dites, mais comment tu parviens à trouver les mots justes pour me consoler comme ça? Ce n'est pas quoi que ce soit, ce n'est pas lui qui fait, c'est sa grâce qu'il a reçue du Seigneur. Ça passe la consolation. Il parle au cœur. Mais le problème, c'est que ce n'est pas lui, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Le fait qu'il parle seulement quand tu as un problème, tu viens dire, il dit que frère, laisse comme ça. Notre Seigneur est vivant. N'a-t-il pas dit à la Écriture que de prier pour ceux qui vous. Quand tu vois comme ça, ton cœur. Tu étais dans la cour, c'est que je veux le traiter, tu vois que ça se calme. Wow. C'est le Seigneur qui a parlé au travers d'elle. Ça ne fait pas de cette personne ce qui a seulement parlé. Le fait qu'il n'ait pas sur la scène pour qu'on le voie comme un prédicateur, bien comme ça ne fait pas de lui moins important dans le corps du Christ. D'accord? Parce qu'arrêtez, il fait tout un enseignement aussi comme celui qui a dit d'enseigner. Parce que je vous enseigne comme ça, comme le frère s'est dit tout à l'heure, là, qu'il a suivi l'employé, il a allé prendre le médicament remède. Il devait commettre des gaffes avec cela. Et imaginez qu'il donne ce médicament à son enfant. Cet médicament amène une maladie dans la famille, il va commencer à dépenser l'argent pour compenser à ce qu'il a fait là-bas. Vous voyez, n'est-ce pas? De la même façon, comme cette personne, ce qui vient pour demander la consolation, on la console parce qu'il pourrait aller prendre et intenter des actions qui vont plutôt amener les conséquences. Donc, chaque grâce du Seigneur, dispensée à la manière du Seigneur, amène la calme et calme les ardeurs. D'accord, frère? Donc, les dispensateurs des grâces de Dieu, les grâces ne sont pas pour nous. Vous n'allez jamais voir un robinet qui boit sa propre eau. C'est pour cela que c'est ce style de personne, comme j'ai dit dans cet exemple de grâce, de parler, échanger des cœurs des gens. Vous allez voir, lui-même a le problème. Il prie pas, ça passe, ça ne vient pas. Allez demander à ceux qui ont les dons de guérison comment les enfants sont malades chez lui. Allez demander aux dons, les dons de guérison. Quand ils ont les maux de tête, comment ils font. Enfin, l'apôtre peut vous en dire. Il a dit qu'il a une écharpe dans sa chair. Il dit que trois fois il a prié le Seigneur. Trois fois. Trois fois il a prié le Seigneur qu'éloigne-le de moi. Lui qui chassait les démons. On dit que les mouchoirs, quand on partait imposer sur quelqu'un, les démons fuyaient. Lui, ça n'a pas été sur lui. Avec son nom propre ancien, il ne quittait pas. Vous avez mon frère. Donc, souvenez-vous de 1 Corinthiens chapitre 4, verset 10. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Il dit, comme des bons dispensateurs de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres. Donc, souvenez-vous que les grâces que je reçois, c'est pour les mettre au service des autres. Vous allez travailler ces moments-ci maintenant avec 1 Corinthiens, 1 Pierre, 1 Timothée. 1 Corinthiens, 1 Pierre, 1 Timothée. Vous avez noté? 1 Corinthiens, 1 Pierre et 1 Timothée. Vous allez travailler là-bas dans l'optique de dénicher les différentes grâces que Dieu vous a accordées à vous de façon personnelle. Un Corinthien, un Pierre, un Timothée. Alors, quand nous parlions maintenant, imaginez donc que c'est un de ces docteurs, comme par exemple le docteur Sanjom. On dit que non, l'équipe du Cameroun est menée. On dit qu'on va mener un docteur. Quoi, c'est le docteur Sanjom maintenant, qui est chirurgien obstétricien, qui va résoudre le problème. On lui donne le maillot neuf, il entre. Vous n'allez pas éteindre l'écran pour aller vous coucher. Hein, frère? Donc, vous voyez que ce n'est pas la personne qu'il faut, pas vrai? Alors, identifions tout simplement les grâces que nous avons. Si vous savez que vous n'avez pas la grâce de compréhension, avancez-vous vers celui qui a la compréhension. Si vous savez qu'il y a un frère qui a la grâce, que lorsqu'il impose la main, il y a des effets sur les autres, approchez-vous lorsque vous avez besoin. C'est votre plein droit dans le corps. C'est votre plein droit. Je vais encore vous dire ça pour que vous compreniez. C'est du plein droit dans le corps que si ma nuque a des insectes qui ont dû piquer, je sollicite ma main pour que ma main ne pas gratter. Ça ne fait pas que ma main dépasse la nuque. Ça ne fait pas que la main commence à s'enfler, que la nuque a eu besoin de moi. Parce que tout à l'heure, il aura besoin de pied pour aller prendre quelque chose. La main ne peut pas faire comme ça, s'allonger pour aller prendre. Non. C'est que c'est chez les Tintins que ça existe. Il va falloir que le pied va. Il arrive là-bas pour pouvoir prendre quelque chose. Vous voyez ça, frère? Donc, le fait que je viens vers toi pour une grâce ne fait pas que tu sois supérieur à moi. C'est que c'est la fonction, ce sont des fonctions du même corps. Ce sont des fonctions du même corps. Et aucun de ces membres-là, fussent-ils les membres les plus en vue, ne doivent s'élever au-dessus et au détriment des autres qu'on ne voit pas. Vous connaissez sur le corps le membre qu'on appelle le responsable de défécation, directeur de défécation. Vous connaissez le ministère là? Prenez une nourriture comme de l'eau mélangée au pistache. Et puis quand vous mangez le coquille, vous allez savoir qu'il y a un ministère. Arrivez là-bas, et que la main refuse de descendre votre culotte, que vous n'y a pas de réconciliation, vous allez voir ce qu'il en est. Vous comprenez ce que ça nous dit, n'est-ce pas? Or, maintenant, ce qu'il veut dire, c'est ce membre-là qui est responsable du ministère de direction des chargés des ressources humaines pour la défécation. Vous ne le voyez même pas vrai. Quand vous imaginez, même il est laid. Pas vrai, frère? Mais ô combien important il fait pour le nettoyage du corps. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. On va continuer dans la quatrième partie. Salut mon frère. Ne vous moquez pas de moi, d'accord? C'est ma façon qui s'est prêchée, comme ça que... Gardons nos yeux ouverts et nos cœurs éveillés, afin de reconnaître les loups déguisés. Car dans les derniers temps viendront de faux docteurs, essayant de séduire l'église du Seigneur. Gardons nos yeux ouverts et nos cœurs éveillés, afin de reconnaître les loups déguisés. Car dans les derniers temps viendront de faux docteurs, essayant de séduire l'église du Seigneur. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple. ces derniers temps. Préserve tes enfants, esprit de vérité, viens équiper ton peuple. Et dans ces derniers temps, préserve tes enfants. Aimons la vérité, connaissant le Seigneur. Laissons-le purifier nos pensées, nos cœurs. Saisissons la parole comme une arme aiguisée. Renversant nos idoles, Dieu sera glorifié. Aimons la vérité, connaissons le Seigneur. Laissons-le purifier nos pensées, nos cœurs. Saisissons la parole comme une arme aiguisée. Renversant nos idoles, Dieu sera glorifié. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple. Et dans ces derniers temps, préserve tes enfants. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple. Et dans ces derniers temps, préserve tes enfants. Ce sont de convoiter ce qui est dans le monde. Il faut abandonner l'orgueil et le mensonge. Aimer la volonté du Père. Vivre pour lui sur cette terre. Église du Seigneur, regarde vers le ciel et attache ton cœur au trésor éternel. Combat le bon combat, la dernière heure sonne déjà. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple. Et dans ces derniers temps, préserve tes enfants. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple. Et dans ces derniers temps, préserve tes enfants.